bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du Cosmicast. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 juin et il est 15h14. Ouais, c'est bien de préciser la date parce que vu que je vais avoir la flemme de faire le montage avant à peu près 2 semaines, ils sont sincèrement décalés. Donc premier épisode dit 4 invités. Millenium. Bonjour Millenium. Coucou. Priam. Enchanté. Vous l'avez sûrement entendu, il y a aussi Rudo Miku Katsuyu, qu'on m'appelait Rudo ou Rudo Miku parce que c'est trop long à dire. Hey hey. Et votre serviteur et co-présentateur de l'émission et créateur de l'émission, etc., Chika Maran, donc bonjour. It's a trap! Exactement. Donc vous voyez, tout le monde est à peu près en forme. Donc je vous explique, vu que c'est le premier épisode, vous connaissez pas le principe. En gros, il y a 2 parties. La première partie, c'est tout simplement, on va traiter des thèmes d'actualité du mois. C'est un podcast mensuel, donc on va traiter des actualités du mois. Et la seconde partie traitera d'un thème un peu plus intemporel, multimédia, donc ça peut être sur des films, sur de la musique, sur des jeux vidéo, etc., etc. Donc l'originalité du podcast, c'est tout simplement que les idées sont modifiées à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule fixe dans le podcast, mais chaque idée, il y aura à peu près 1 ou 2 idées par podcast. Et à la fin de saison, c'est-à-dire comme c'est un podcast mensuel, j'imagine qu'il y aura à peu près 12, voire même 13 épisodes au cas où s'il y a une hors-saison, je ne sais pas. Un épisode zéro comme pour Doctor Who. Ouais, mais un épisode zéro, on va avoir du mal, parce que ça veut dire que c'est l'épisode zéro, donc ça veut dire que c'est le près. Il suffit de faire un paradoxe temporel. Non, on va faire l'épisode zéro tout à la fin. Oh oui, un paradoxe temporel, en plus, ouais, ça aiderait. Ouais, et en plus, si on arrive à faire un paradoxe temporel, ce serait un bon pas en avant. Et ouais, en plus, ça nous ferait une très bonne pub. Ça nous ferait une très bonne pub sûrement pour le Cosmicast, dont le premier épisode, celui-là, parlera en même temps du voyage dans le temps. Exactement, donc comme la vient de dire Rudo, le thème intemporel d'aujourd'hui, c'est le voyage dans le temps dans les films, dans les livres, etc., dans les séries télé. Et donc on va poser plusieurs questions là-dessus qu'on va essayer de répondre, comme pourquoi ce thème est-il aussi intéressant et pourquoi il est aussi aimé. Donc les questions se complètent un petit peu parce qu'il est sûrement aimé parce qu'il est très intéressant. Enfin, on verra ça dans la seconde partie. La première partie, c'est on va parler du thème de ce qui s'est passé dans ce mois. Donc on va surtout parler, comme vous l'avez deviné, si vous connaissez à peu près ce qui se passe dans le jeu vidéo de l'E3, cette conférence qui se passe à Los Angeles, où on parlera des conférences, les 3 conférences, Nintendo, Microsoft, Sony, des nouveaux jeux qui ont été présentés à l'E3, de la Wii U, de toutes les conneries dans le genre. Donc il y aura peut-être un débat là-dessus, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, s'il y a un débat, j'en serais content. Une discussion plate, c'est pour être chiant. Et surtout, j'ai quelques petits chiffres que j'ai trouvé sur Clubic à propos de Wii U qui aurait fait un flop, donc on pourra en parler après. Ouais. De toute façon, Wii U c'était le faux graphisme. Ouais, non, mais voilà quoi. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, moi personnellement, j'ai un avis plutôt mitigé sur ce titre. Pika, je sais pas ce que tu fais, mais alors t'as l'air de foutre ton micro en l'air ou je sais pas quoi. Bah, je sais pas, alors, moi non plus. Peut-être comme ça fonctionnera mieux. Mais ça fonctionne peut-être mieux. En fait, je sais pas où il était foutu mon micro. Donc, l'E3, moi j'ai un avis plutôt mitigé là-dessus, bah, je sais pas vous. Moi j'ai regardé les trois conférences, c'est-à-dire Sony, Microsoft, Nintendo, et j'en ai pas forcément tiré de bonnes choses. Bah, pour les conférences que vous avez vues, vous pouvez me donner votre avis. Sony, ils sont bien foutus de la gueule du monde. Et alors, Microsoft, ils nous ont bien fait rire. Bah, c'est vrai que c'était drôle, hein. La première conférence que j'ai vue, c'était Sony. C'est vrai que quand on voit les jeux Uncharted 3, on a l'impression que l'idée a pas changé depuis le 1, en fait. Hein. Non, c'est juste la plateforme avec la PS Vita. Ouais, là, enfin, je sais pas, moi. Ils ont juste changé le nom, à mon avis, hein. Bah, ils ont changé le nom. Non, c'est un tactile, devant et derrière. Ah ouais, mais bon. Je trouve pas ça. Ah, ils se mettent aussi au tactile? Ouais, tout le monde se met au tactile. Et au 3D. C'est aussi c'est super. C'est encore plus fragile qu'avant. Ah, c'est ça. Voilà. Il y aura encore comme plus ça, tu le fais et t'en rachètes. Ils sont beaucoup d'argent. Ah ouais, non, mais. Puis, il y a un truc qui m'a bien fait rire chez Sony, c'est tout le monde. Enfin, presque, c'est qu'ils se sont fait hacker le PSN, blabla, ils l'ont remis il y a pas si longtemps que ça, ça va 3 semaines maximum. Ils en ont jamais parlé du PSN, hein. Ah bah c'est sûr. Ah ouais, non, ils en parlent pas d'eux-mêmes. Ils en parlent pas, hein. Ils en parlent bien, c'est clair. C'est vrai qu'ils parlent des Chinois, ils ont pas l'habitude. C'est clair. Ouais, peut-être pas des Chinois, c'était aux States qui se sont fait hacker. Ouais, mais c'était peut-être des Chinois américains. Mais... Bon, forcément, après, si tu rentres dans les détails, tu les connais, les mecs? Non, mais l'État américain a dit que c'était des Chinois. Non, mais ça m'embête un peu, parce que bah, tout le monde essaie de copier sur l'autre en faisant moins bien. Ils ont pas arrêté de parler du PlayStation Move, ils ont essayé d'intégrer tous leurs jeux avec la PlayStation Move. Moi, ça m'a bien fait... aussi essayé de coller la 3D et la PlayStation Move. Ouais, enfin, c'est vrai? C'était. Après, ils vont faire un PlayStation Move tactile aussi pendant qu'ils y sont. Ah non, ça sert à rien, parce que c'est soit Move, soit tactile, soit tu bouges devant bah un oui, mais truc ça sert avec à rien, une manette, soit eux, tu. Ça pourrait être un petit truc marketing. tu dois bouger, tu fonces sur la télé, t'appuies, tu repars. C'est trop inutile. Ouais, je trouve que c'est quand même toujours le même débat avec les jeux de sport. Bah, ils ont dérangé un basketteur pour le faire jouer au PlayStation Move. Ah oui, c'était hyper qu'il a perdu le match. Bah voilà, il arrive même pas. Il arrive même. C'est un basketteur professionnel, il arrive même pas à foutre un panier là-dedans. Si, il en a foutu un. En 10 minutes de temps, il a et là, foutu t'as un présentateur panier, qui faisait yes, yes, yes, il en a mis un, enfin, yes. Ah mais voilà, c'est ridicule. Bah, je comprends pas trop l'idée de ceux qui ont fait ça, parce que si pour faire du sport, on reste pas devant sa télé, quoi. On va au terrain de sport le plus proche et puis basta, quoi. Alors là, je te contredis. Dans le monde des jeux vidéo, il y a 3 types de gens qui aimeraient jouer des jeux vidéo de sport. Les geeks, les nerds et les no-life. Oui, bah... Prouve-le. Ah ouais, je te le prouve. Étant moi-même geek, je ne suis pas du tout sportif et je préfère encore jouer au Blitzball sur Final Fantasy X. Ah oui, non, oui, là, c'est totalement différent. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, dans ce cas-là. Bon. C'est vrai que c'est grand. Bah. Ouais, mais en même temps. C'est vrai que c'est. Oui, je suis d'accord. C'est. Enfin, Priam, je suis d'accord. C'est. Nul. Non, mais c'est vrai pour tout ce qui est basket ou quoi, c'est toujours mieux de jouer avec les potes. Ouais, mais en fait, bon, je sais pas, Priam a coupé sa phrase. ouais, j'ai entendu. On l'a perdu entre temps. Grandiose, non? C'est comme. Grandiose, oui. Quoi? C'était la fin de la phrase. C'était grandi. Enfin, bref, comme disait Technibal, ça me rappelle un truc qu'avait dit Technibal d'ailleurs, c'est que le truc qui est bien avec le fait de couper ses phrases, c'est que... Tu laisses un peu de mystère, de suspense. Logiquement, c'est pas censé. Tu fais, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, mais je trouve que même l'appellation de jeux vidéo de sport, c'est pas des jeux vidéo en soi, c'est juste un simulateur... C'est comme si on disait que les simulateurs d'avions ou des trucs comme ça, c'était des jeux vidéo. Non, c'est des simulateurs, ça n'a rien à voir avec un jeu vidéo. Bah, moi je considère. C'est sûr que c'est des simulateurs, mais quand tu regardes des trucs comme PES ou FIFA, t'as pas le niveau d'un joueur professionnel, donc c'est plus agréable de jouer avec des joueurs officiels. C'est une question d'aimer le foot à un certain point, quoi. Ouais, même si on parle du foot, hein. Non, mais par exemple, c'est un exemple, mais par exemple, enfin. Des gens qui aiment le foot qui joueront à PES FIFA et ils iront aussi dehors faire du foot, quoi. Ils peuvent faire les deux. Ouais, mais je trouve que même l'idée, quoi, d'incarner les plus grands joueurs de la Terre, je trouve ça un petit peu aussi un peu disproportionné, quoi. On est soi-même, on n'est pas Wayne Rooney ou Lionel Messi, on est soi-même. Quand on joue au foot, c'est nous qui jouons. Ouais, mais c'est parce que c'est des fans. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas avec FIFA et PES, c'est comment ça fait pour tourner alors qu'il y en a 325 milliards, et c'est tout le temps la même chose avec juste des améliorations, enfin des améliorations de voilà. Vidéo. Chaque année, il y en a un nouveau avec deux ou trois améliorations, donc les gens ils rachètent à chaque fois parce que tel joueur est rentré, du coup sur le jeu vidéo il est aussi. Tu verras pas 50 millions de personnes jouer à FIFA 1994 ou je sais même pas s'il existe. Même ça a aucun intérêt comme de faire 320 milliards de fois le même truc. À gagner plus de fric. Bon, on va passer. On va passer les jeux de sport parce que pour en continuité avec le jeu de sport, vous dites que c'est toujours la même chose, mais je suis désolé. Et trois quarts des jeux de l'E3 cette année, c'est des suites. Uncharted 3, c'est totalement fou. C'est totalement fou, non. Attends, c'était Rayman Origins. Ça peut pas être une suite parce qu'on revient aux origines. Oui, c'est quand même pas. Mais c'est pas totalement faux, toi. Le seul jeu qui était à peu près nouveau, c'était le nouveau jeu de Crytek qui se passe chez les gladiateurs. Je sais plus le nom, c'était un nom bizarre. Et je vous le retrouve pour Crytek fait des combats de radiateurs. Ouais, je pense que c'est ça. Non, mais voilà. Je suis un grand fan d'Assassin's Creed, vivement la suite, quoi. Ah, oui, quand même. Ouais, mais bon, quand on se dit. En même temps, on se dit, ouais, c'est cool, il y a un nouveau Zelda, un nouveau Assassin's Creed, etc., etc. Et en même temps, on se dit que voilà, maintenant, le jeu vidéo, ils sont. Il n'y a pas de réelle nouveauté, en fait. Ouais, des améliorations. Ouais, personne n'est plus capable de créer de nouvelles firmes aussi intéressantes. Nintendo, ça doit faire à peu près 10 ans, il n'aura jamais vu créer une nouvelle firme aussi intéressante que Super Mario ou Zelda qui dure aussi longtemps. Ils ont dû créer deux ou trois firmes à la con. Oui, la dernière firme qu'ils ont créée réellement, c'est Wario et les jeux Wario, mais c'est encore tiré de Mario Land 2. Ouais, et même Ubisoft, qui est normalement en preuve d'une très grande créativité, ben cette fois ils font que des trucs avec les lapins crétins. Ils font plus de trucs nouveaux. Mais que des trucs avec les lapins crétins. Il y avait Rayman, il y avait Ghost Recon. Oui, mais non, mais je veux dire, c'est ce dont on entend le plus parler. On entend parler pratiquement que des lapins crétins partout. Mais bon, ils font plus tellement de trucs nouveaux non plus. Il y a Ghost Recon, comme tu l'as dit. Il y avait Assassin's Creed, Far Cry 3. Bref, c'est que des suites aussi. Mario Kart, Final Fantasy, Rayman, mais Final Fantasy, là si tu parles pas de suite, Final Fantasy, c'est plein de jeux, ils ont tous un gameplay différent avec une histoire différente. Je sais pas si vous connaissez d'où vient le nom Final Fantasy. Et ça pourra peut-être vous choquer par rapport au nombre qu'il y a. C'est Squaresoft, c'était leur dernier jeu parce qu'ils étaient en faillite, je crois. Et comme dernier jeu, ils ont créé Final Fantasy, et c'est le jeu qui a le plus fonctionné pour eux. C'était en fait leur dernière fantasy, comme ils disaient, le dernier jeu avant de se retirer. Et ça fait un tel succès qu'ils en auront fait des dizaines d'autres. Ouais. Bah, c'est assez ironique. Ah, on est au 15e. Bah d'ailleurs, ce que je Final Fantasy 14. Parce qu'il y a Final Fantasy 2. Final Fantasy qui a été présenté, c'est ce que je voulais dire, Millennium, c'est Final Fantasy 13-2. Ah, ils vont sortir 13-2. Oui, ils vont sortir 13-2, voilà. Bah. C'est con, parce qu'ils ont sorti 14 sur PC. Bon, 13, c'était sur PS3. Donc... Ils pourraient pas tous les sortir en multiplateforme, plutôt que les sortir un ici, un là, etc. Non, parce que justement, c'est des exclus. PS3, ils font, ouais, acheter le PS3, on a Final Fantasy 13, le PC, ouais, nous, on a Final Fantasy 14. Ouais. C'est comme ça. Bah, ce qui me choque le plus, quand même, c'est Mario Kart, quoi. Qu'on voit les nouveautés qu'ils ont mis dans le nouveau Mario Kart sur 3DS. T'as une carapace bleue! Normal. C'est affligeant. Je crois qu'elle est aussi sur Double Dash. Hein. Les deux nouveautés les plus importantes de Mario Kart pour la 3DS, ils ont foutu une hélice sur le cul du kart et ils ont augmenté le niveau des eaux. Donc ça fait des cartes sous-marins. Et la seconde nouveauté, ils ont mis 3 tremplins dans 5 circuits. Et quand on prend le tremplin, et bah ça fait un delta plane. Ah, c'est génial, franchement. Et quand on sait que ce jeu-là va se vendre des millions et des millions d'exemplaires. C'est Mario Kart qui rencontre Transformers. Bah voilà, encore les motos, c'est à peu près les cartes, les motos, c'est toujours la même chose. Mais là, un delta plane et un sous-marin, je suis pas trop sûr. Et puis même, autant tu disais qu'avant les développeurs ils avaient quelque chose d'intelligent qui passe dans la tête, maintenant ils ont que ça. Voilà. Non mais par contre, J'entends un le truc à savoir, c'est je pense ils veulent s'assurer du succès de leurs jeux vidéo en faisant que des suites. Je veux dire, Ubisoft, j'en suis certain, ils ont bien sorti d'autres jeux à côté. Genre, je sais pas, sur la DS. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment déçu. Ils doivent pas en parler parce qu'ils savent pas si ça va faire un gros bruit. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment déçu, c'est qu'ils ont pas parlé de Beyond Good and Evil 2 pendant l'E3 Ubisoft. J'ai été vraiment dégoûté. Bah, je trouve que je suis pas trop d'accord avec toi, Millenium, parce que regarde, tout le monde a attendu 15 ans de Duke Nukem Forever. Tout le monde veut l'acheter. Il a dit ça sera une grosse merde. Oui, oui, on sait. Et c'est une grosse merde. Donc, c'est pas un succès assuré, forcément. Un message à tous les joueurs sur PC, téléchargez illégalement la démo et essayez-la. Vous allez être déçus. Ah non, parce que en dehors l'humour, que c'est un peu le réchauffeur que moi j'ai jamais forcément aimé, après le reste ça vaut rien quoi. Franchement, j'ai testé. Attends, c'est vrai que dépenser 40€ pour dessiner une bille sur un tableau et un gars qui te fait ah ouais, c'est un super plan, ça vaut le coup hein. Ouais, c'est pas. Ouais, j'aime bien. On est entre 15 et 20 sur la team Crowbars, et ce que j'ai entendu sur le mumble de ces 15 et 20 personnes, je peux vous dire que moi j'irai même pas télécharger la démo quoi. Non, Perte de temps inutile. Je vous explique que la team Crowbars, c'est la team où c'est tourné tous. Et c'est là où j'ai recruté toutes les personnes que vous avez dans le podcast là. Donc c'est normal qu'on ait la team en commun. J'explique parce que les gens ils connaissent pas Technibal, ils connaissent pas la team Crowbars. Enfin. C'est bien dommage. C'est bien, ouais. Non, mais voilà, quoi. C'est pas mieux pour eux, mais c'est bien dommage. En fait, c'est tant mieux pour leurs neurones, mais c'est bien dommage, voilà. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une drogue, c'est plus t'y vas, plus t'as envie de rester, mais ça te défonce la tronche. Même Millenium est devenu con à force. Ah non, pas encore totalement. Faudra attendre. Oh, tu gueules un peu plus dans le micro qu'avant. Obligé, vous parlez tellement. Fort aussi. D'ailleurs, je vais avoir du mal à régler le son au montage, hein, ça va être hyper chaud. Enfin. Donc, bah, je sais pas moi. Surtout que t'es en down mix. Ouais, je suis en down mix, donc ça va être hyper chaud. J'aurais pas dû faire un down mix. Je te l'avais dit. Ouais, mais ça va être hyper chiant après pour mon disque dur, il va pleurer un peu. Non, mais voilà quoi, il y a des milliards de jeux, enfin, c'est vraiment l'E3 des jeux. Il y a le nouveau Tomb Raider, il y a le nouveau Ghost Recon, il y a le nouveau Need for Speed qui est encore plus merdique que l'autre là. En même temps, il est intéressant le Need for Speed parce qu'il y a un gros changement de gameplay dans le fait que tu puisses contrôler ton joueur dans certaines conditions. Ouais, mais c'est un jeu de voiture, je te rappelle. C'est pas un jeu. Ouais, c'est vrai que là, il a pas tort, hein. Oui, mais dans les jeux de bagnole, tu sais, quand tu fais des infractions, etc., parce qu'il y en a qui font beaucoup des courses réellement comme ça. Et ben, souvent, quand ils se font poursuivre la police, ils ont à courir du genre comme ça aussi. Quitte à faire, tu sors un GTA fait spécialement pour les courses, quoi. Bah voilà, quoi. Ou carrément un nouveau jeu, tiens. Ils auraient dû sortir un nouveau jeu. Que tu vois, autant qu'en skate, je peux accepter qu'on puisse contrôler le joueur, qu'on peut se péter des trucs avec le joueur parce que la personne est sur le skate, donc c'est à peu près normal qu'on puisse contrôler également le joueur pour aller sur le skate. Autant dans une voiture, je vois pas trop. À part contrôler sa pensée en disant voilà. Non mais sinon, Rudo, quand tu dis ils auraient pu créer carrément un nouveau jeu, pourquoi créer un nouveau jeu alors qu'ils pourraient dire ouais, Need for Speed, génial, nouveau truc, paf. Non mais voilà, c'est vrai que tu dis quelque chose d'assez intéressant, Millenium, c'est que c'est en partie de notre faute, des fautes des joueurs, s'ils n'arrêtent pas de faire des suites, c'est parce qu'on les achète. On les achète, si on les achetait pas... Et on les demande, surtout. Et on les demande, c'est ça le pire. Alors qu'en fait, ça fait du mal aux jeux vidéo. Et c'est la plus grande différence entre les années 90 et actuellement. C'est que dans les années 90, ils sortaient toujours de nouveaux jeux, de nouveaux concepts, etc., etc. Et maintenant... Bah, retournons aller jouer à Tetris, alors. Et c'est pour ça que... Tetris qui a été repris plusieurs milliers de fois par plusieurs personnes, dont Yay Games. Et maintenant, à part dans le jeu vidéo indépendant, où là, c'est pour ça qu'il y a du succès, justement, dans le jeu vidéo indépendant, c'est parce que c'est pas cher, et que c'est de nouveaux concepts. Mais c'est nouveau. Mais d'ailleurs, niveau-là, quand t'entends parler de Minecraft Lite, parce que tu poses des cubes, on m'a fait cette réflexion, mais Tetris, c'est un Minecraft Lite. Tu poses des cubes pour faire des formes, et on en parlera dans... des traits. On en parlera dans la seconde partie de l'actualité. C'est ce que j'ai parlé sur le forum, le tropique, sur le forum. La seconde partie sera consacrée de l'actualité, je parle, parce qu'il y a une idée ça s'appellera la triture. Donc tu pourras parler des jeux que t'as joué ce mois-ci. Donc tu pourras parler de Terraria parce que t'as joué à Terraria comme moi. Ah ouais, Terraria. Ouais, et qui est un jeu vidéo indépendant qui est tout nouveau. Soi-disant Minecraft Lite, mais quand on voit, on pense que c'est un peu Minecraft, mais plus on y joue, plus on se dit que ça s'en fait pas. Plus tu rends compte que c'est un RPG en fait. Et ouais, au fur et à mesure des updates, je peux vous confirmer que franchement, ça s'en éloigne de plus en plus et c'est bien. Ça fait plaisir. Dans Minecraft, tu vas pas aller miner le météorite pour te créer une tenue pour pouvoir lancer des sorts avec ton pistolet magique. Voilà. Ça fait de la lumière. En plus, ça fait de la lumière quand tu te déplaces. Voilà, mais franchement, et puis en plus, tu dois pas. Dans Minecraft, il y a aucun boss. Ouais, y a peut-être les petits boss, donjons, mais là, par exemple, il y a 3 boss qui sont sympas, et je pense qu'ils vont en faire des tonnes d'autres aussi ensuite. Et ils font des updates régulières. C'est un mélange. Parce que le jeu était il y a quoi, un mois. Ça m'a fait penser un peu. Il y a pas longtemps, ils ont mis les lapins. Pardon. Donc on va reprendre un peu, mais juste pour finir sur ça, ça m'a fait un peu penser à Zelda 2 sur NES. Au niveau de la vue, au niveau du côté RPG, etc. Enfin, c'est quand même cool, quoi. Zelda 2, c'était quand même un super jeu, quoi. Même si c'était le moins connu de la série des Zelda. Alors, revenons sur l'E3, parce qu'on est en train de partir en... On s'éloigne, là. On s'éloigne. Bah, je sais pas. Quel jeu vous avez retenu le StreetCon, le trailer, ils l'ont diffusé pour la millième fois. Moi, j'ai... Far Cry 3, c'était... Ah moi j'ai retenu, alors attends, surprise de le Disneyland voir, Kinect, bien envie. Attends, moi j'ai retenu Disneyland Kinect et la rue Sésame sur Kinect avec Elmo et Elmotte. Alors là, ça m'a scié. Bah voilà, enfin, on en reviendra sur Kinect quand on parlera des consoles parce qu'ils sont vraiment ridicules, hein. Ouais, non, mais ah oui. Vous avez vu l'E3 Microsoft, c'était 90% Kinect, 10% jeu de merde. Non, mais voilà. Je sais plus quel. Sauf que dans les 80% de Kinect, tu avais 99% de jeux de merde. Oui. En plus. Hein. Le problème, c'est franchement que ce soit le PlayStation Move, Kinect, voire même le nouveau pad pour la Wii U, je trouve que c'est pas de très bonnes idées. Même la PSP Vita, je trouve pas que c'est une très bonne idée. C'est vrai, avoir deux écrans tactiles, un à l'avant, un à l'arrière, c'est pas génial. Parce que... Disons que c'est pas un écran tactile, c'est plutôt une tablette tactile pour faire des actions spéciales. Ça va remplacer en gros le L et le R, quoi. Ouais, mais c'est quand même jouer à l'aveugle. Bah, un écran tactile derrière une console, c'est quand même de l'aveugle. Bah, je vois l'aveugle, ouais. À mon avis, ils vont pas faire en sorte que tu te dessines un triangle équilatéral derrière, bien précis. Il faut quand même remarquer. T'as 1 mm de décalage, c'est faux. Ça va être un très basique sur la droite ou sur la gauche. On a 4 doigts derrière les manettes à chaque fois. Toujours 4 doigts qui sont derrière, il y en a que 2 qui sont devant tout. 3 pour moi. Ouais, ça va poser problème. Attends, il y a 4 doigts derrière et 2 devant. Non, c'est parce que j'avais les 2 pouces en face de moi, tandis que je regardais qu'une seule main quand je disais les 4, donc après, j'ai réfléchi, j'ai fait, qu'est-ce que je dis là? Enfin bref, vous reparlez de la Wii U, ça me fait penser que je devais parler de la news sur Clubic, alors qui dit que, enfin le titre, c'est marqué en gros et rouge, après l'annonce de la Wii U, Nintendo chute massivement en bourse. Oui, donc en fait ils disent déjà que après l'annonce de la Wii U, Nintendo est passé sous la barre des 17 000 yens alors qu'elle avait atteint les 71 900 yens en clôture en octobre 2007. Tu sais pourquoi, Rudo? Tu sais pourquoi? Bah, en fait c'est parce que la conférence de Nintendo, elle n'a pas été très claire. Ça a beau être la meilleure conférence de l'E3, ce qui prouve bien que l'E3 cette année n'était pas génial. Non, mais il suffit de s'entourer de débiles pour avoir l'air intelligent, donc c'était un peu même système, non, voilà, il suffit de s'entourer de merde pour avoir l'air mieux. Quand on voit machin, là, Shigeru Miyamoto qui arrête pas de danser avec un orchestre de merde au début, avec la musique de Zelda, yahoo, Zelda, un nouveau Zelda, yahoo. Enfin voilà quoi, c'est japonais au possible, mais c'est totalement idiot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la conférence de Nintendo n'a pas été très claire au niveau de la Wii et de la Wii U. Les gens croyaient. Ils sont jamais très clairs sur leur nouvelle console. Les gens croyaient que la pad de la Wii U, c'était un nouveau périphérique pour la Wii. Parce qu'ils ont non, pas c'est parlé... une nouvelle console. Alors qu'en fait, c'est une nouvelle console, et en fait, ils ont pas parlé du lecteur en lui-même, ils ont juste parlé du pad. Donc c'est pour ça que les gens, ils comprenaient pas. D'ailleurs, j'ai vu la Wii U elle-même, je parle pas du pad, mais de la Wii U, elle ressemble étrangement à la Xbox 360. Ouais, là. Bah, moi, je m'étais. Excuse-moi, c'est dur de faire une boîte carrée quand tu fais une console, hein. Non, mais non, voilà, la forme avec la petite incurvation au milieu et les arrondis de cette même manière. Il y a même un bouton tout rond, tu sais, avec même la lumière dedans. Même alors, la couleur, franchement, c'est une couleur un peu blanc, mais pas trop blanc. C'est assez bizarre. Moi, oui. Mais je trouve que le pad de la Wii U, moi, ça m'a fait. Sûrement parce que je suis en train de réparer ma Game Gear, ça m'avait fait penser à une Game Gear. Oui, voilà. Mais en fait, juste au moment où je passe sur le commentaire Globic qui dit « Cette Wii U me fait penser à la Game Gear » et quand je regarde, je fais que c'est bluffant parce que je me souviens que j'en avais une et je me dis c'était la même tenue en main, exactement la alors, même. Alors, bah, j'en avais parlé avec Masque de Pusta. Masque à gaz. Non, Masque de Pusta. Non, Masque Pusta, de Pusta. Et bah, en fait, je parlais pas au niveau technologique en fait. Parce que au niveau technologique, l'écran c'était de la merde. Les boutons, il y en a, c'était de la merde. La 3D directionnelle, c'était de la merde. Enfin, presque tout était de la merde. Non, c'est dans la Game Gear. Mais je trouve qu'au niveau ergonomique, j'ai un petit peu peur que ça ressemble à un truc carré et que ça soit difficile à prendre en main. Bah, je sais pas. Bah, déjà, surtout que je dois faire remarquer que la Game Gear, parce que c'est la même tenue en main. La Game Gear, je la trouvais assez inconfortable en tenue en main. Voilà, et c'est là, ça que je veux dire. La Wii U, ils ont pas l'air d'avoir vraiment amélioré le design. On dirait juste qu'elle est un peu plus grande en hauteur. En fait, on dirait que, quand on voit sur la tranche, on voit que ils ont mis quand même des trucs pour qu'on puisse bien placer nos mains, etc., etc. Mais, je sais pas, il faudrait ouais, mais il faudrait en main. Déjà, c'est tout droit, c'est carré. Parce que par exemple, si mais... on regarde des PlayStation ou Xbox peu, ou quoi, à chaque fois, les pads, ils ont des trucs qui vont sur les côtés, des trucs pour tenir. Tandis que là, on va se tordre un peu les poignets, ça va devenir des éclats. On risque de crampes aussi même. Quand ils ont eu l'idée de la Wii U, ils ont juste fait, tiens, on va copier Microsoft et Sony, on va prendre une manette, sauf que on va rajouter un écran au milieu. C'est tout, hein. Faut pas aller chercher plus loin. Hein. Ouais, mais bon. Du coup, ça fait un rectangle avec trois boutons et un écran tactile, peut-être. Ou t'as l'inventaire, par exemple, pour Zelda, et que tu fais, oh, c'est joli. Non, c'est un peu caricatural, parce qu'il y a quand même plein de trucs, il y a quand même plein d'idées qui sont possibles. Genre une idée de zoom, une idée de machin, de trucs. Moi, je pense que, t'as un écran tactile, t'as des caméras, t'as un accéléromètre, t'as les boutons. Faut pas oublier que c'est un pad, c'est pas non plus une nouvelle console en elle-même. Donc pour un pad, c'est quand même génial comme idée. C'est le pad d'une nouvelle console. Oui, mais le problème, c'est que je pense. On dirait limite un tablette PC. Ouais, c'est ce que je pensais. C'était le fruit de l'amour impossible entre une Game Gear et ma tablette de PC. Mais le problème, c'est que je pense que les développeurs tiers, parce que c'est toujours le problème avec Nintendo, avec leurs idées japonaises, c'est que eux, ils savent l'exploiter. Les éditeurs tiers, ils savent pas l'exploiter. Et c'est comme ça que les trois quarts des jeux Wii, c'est des jeux de merde et des parties games qui n'utilisent pas les possibilités de la Wii. Parce que les développeurs tiers, ils ne connaissent pas cette console et ils n'arrivent pas à programmer dessus. Et d'ailleurs, le président de Nintendo, il a dit, par rapport à la réaction qu'il y a eu, la réaction en bourse, il dit « Les gens qui ne l'ont pas essayé auront du mal à croire que cette manette peut tout changer. » À mon avis, elle peut tout changer, mais elle peut tout changer si on l'exploite au maximum. Parce que là, il y a la caméra et tout ça, mais sauf que personne s'en servira. Ah oui, c'est comme ça. C'est pas mal, le frisbee. Ouais, mais les jeux qui fonctionnent sur Wii, le jeu qui fonctionne le plus en ce moment, comme toujours, c'est Mario, New Super Mario Bros. Wii. Ils n'utilisent que très peu les possibilités de la Wii, par exemple. Pareil pour Super Smash Bros. Brawl. Oui, franchement, un conseil, ce jeu prenez-le si vous l'avez pas parce qu'il est franchement génial. Mais il est aussi bien que Smash Bros Melee. Hein. Allez, les trucs qu'on peut tirer de la Wii, c'est déjà que tous les jeux qui fonctionnent, c'est des jeux Nintendo et c'est des jeux qui n'utilisent très peu les possibilités de la Wii. Mario Kart, il fonctionne, mais pas à cause du Wii Wheel. Il fonctionne parce qu'on peut utiliser les autres manettes. Le Wii Wheel, moi je l'ai utilisé une fois, j'arrivais pas à l'utiliser, ça m'a fait chier, je l'ai balancé par la fenêtre. Non mais ça c'est comme toutes les consoles, hein. Tu regardes, t'allais jouer sur, je sais pas, ta PlayStation 2, allez, t'achetais la Hi-Toy, t'avais ton jeu Hi-Toy Cam, hein, et t'avais des jeux qui étaient soi-disant compatibles à Hi-Toy, comme par exemple les Sims, non c'était... Je sais plus quel jeu, il disait compatible, machin, tu fais c'est quoi. En fait, tu peux juste prendre des photos et les mettre sur les murs. Là, ils mettent une caméra, tu auras un jour, tu vas faire un smil et tu vas le mettre sur tous les panneaux, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est sûr. T'as plein de compatibilités qui, à la fin, sont nulles. Quand tu regardes sur Pokémon, tu fais, ouais, c'est génial, je vais pouvoir aller explorer les tunnels avec des gens, avoir des gemmes qui vont me servir strictement à rien, à part avoir un petit bonus que je vais utiliser dans un seul combat. Ouais, c'est vrai. Mais, de toute façon, Lightoy, c'est inect, c'est inectement bien, quoi. Ouais, Lightoy, en gros, Kinect, c'est Lightoy, ils ont pris Lightoy, et puis ils ont essayé de faire des trucs, sur la nouvelle technologie, super bien, avec, reconnaissance de mouvement, mais en fait, c'est juste un Lightoy, de merde, quoi. Sauf que c'est Microsoft. Donc, ça veut dire que ça va planter. C'est encore pire. Non, puis c'est pareil, Sony, ils ont copié la Wii avec leur PlayStation Move et la manette qui ressemble à un vibro. Ouais, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Surtout que les roses, quand même, roses et bleues, c'est du sexisme, encore une fois. En fait, c'est simple, ils sont dit, tiens, il y a un jeu qui a bien marché, c'était un jeu de test, c'est qui s'appelait Buzz. On va faire une manette pareille, sauf qu'on va mettre des boutons de la PS3 au lieu des 3 ou des 4 boutons pour faire les réponses. Ouais, bah, on va aussi parler, on va se dépêcher un petit peu parce que là il est déjà 30, bah, ça fait déjà 30 minutes que le podcast a commencé. Bah, pour finir, je pense que, pour finir pour la PlayStation Move ou les trucs comme ça, c'est pas de très bonne idée, mais c'est toujours dans l'optique casual, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'optique, ouais, la famille venait jouer, et pas dans l'optique nous faire entrer dans une histoire, nous faire entrer dans un héros. Et parce que maintenant, tous les jeux qui sont compatibles avec Kinect ou PlayStation Move, ils veulent nous faire devenir le héros. Et il faut quand même avoir un sacré ego pour devenir un héros, quoi. Ou être un enfant. Ouais, mais sachant que c'est les gros casuels qui vont se voir, ouais, ça y est, j'ai une caméra devant moi, je suis intégré dans le jeu, yahoo, c'est génial. Et je vois pas trop l'utilité, quoi. Ça va rester 2 minutes à peu près avec un Kinect Animals, des trucs comme ça, puis on range ça au placard. Mais les vrais joueurs, ceux qui jouent, ils vont même pas l'acheter, quoi. C'est totalement idiot. Ah, ça, c'est... Moi, personnellement, même si je trouve ça amusant d'avoir ma tête en jeu, j'y trouve pas un intérêt particulier, bah, plus que pas. Ça. Je trouve ça juste un peu amusant. Donc, c'est-à-dire que... les personnages, quand je peux les modifier, je fais en sorte qu'ils me ressemblent à moi, ou alors à un personnage que j'aime bien, mais après je vais pas plus loin. Ouais, bah, jamais je peux pas l'avoir qui me ressemble à moi, je m'en fous totalement. Millenium, t'avais joué, comment ça s'appelle déjà ça, le jeu Rainbow Six Vegas 2. Et bon, on peut, oui, mettre, avec la webcam, on peut mettre sa tête sur le personnage. Ouais, il y a une histoire de 3D, ouais. Ouais. Tu repères où est ton nez, machin, bidule, et tu mets ta tête sur ton perso. Et le jeu, il date de quelques années, quand même. C'est-à-dire, c'est pas une idée toute neuve. C'est pas nouveau, nous, c'est nouveau du tout, oui. Que là où Lightoy. Mais le truc, c'est que modifier, mâcher, c'est n'importe quoi. En fait, tu passes plus de temps à mettre ta tête où t'auras l'air d'un gros con parce que l'effet sera super nul, plutôt que de prendre une tête de héros qui casserait sympathique. Je sais pas, je vois. C'est vrai, les joueurs, pas. Le but principal des jeux vidéo, c'est de nous faire entrer dans un monde qui est censé être meilleur que le nôtre, et qui nous fait vivre des histoires fantastiques, ou drôles, ou intelligentes. Meilleur, Et qui nous fait réfléchir dans, oui, quand je pense à Fallout, le monde catastrophique, c'est pas forcément un monde meilleur que le nôtre. Et ça nous fait vivre, ça nous fait passer dans un nouveau monde, et ça nous fait réfléchir, c'est quoi, il y a des comparaisons à faire avec notre monde actuel. Bah c'est ça le jeu vidéo, c'est pas avoir sa tête sur l'écran et puis de voir des animaux, c'est génial, hein, c'est génial. Mais voilà, c'est ah pas mais ça. Mais ça, c'est des plus, c'est ça. Il y a, je sais pas, par exemple, un jeu que j'avais joué, que j'avais assez bien aimé, que j'ai fini jusqu'à 100%, c'était quoi, Call of Juarez. Tu fais, ouais, machin, c'est génial, tu peux faire la mission principale et finir le jeu en 3-4 heures si tu t'y mets à fond. Le jeu, il a une durée de vie de 12 heures, puis tu peux faire les plus, tu peux faire, oh tiens, je vais m'acheter ce pistolet, tiens, je vais m'acheter celui-là. T'as des petits plus, tu vas chercher, par exemple, dans les jeux Flash, un petit diamant qui va faire ton succès. C'est plein de petits plus qui font que les gens vont vouloir acheter, parce que c'est comme Portal. Est-ce que c'est vraiment... On te dit, il a une durée de vie de 6 heures par campagne, donc ça fait 12 heures en tout. Ok. Il a une durée de vie de 12 heures. Le problème, c'est si tu fais pas les succès de Steam. Il y a pas d'intérêt. Ouais, mais si tu en même temps, Portal 2, c'était un truc vraiment très attendu. Et puis, ça nous permettait d'avoir plus d'éclaircissements à propos de l'histoire de Portal, qui au départ, à mon avis, ils avaient pas vraiment de base historique. C'était juste le sujet de test, et puis tu t'échappes. Mais après, ils ont mis une histoire qui est franchement très bien ficelée, et que moi, j'oserais dire carrément qu'elle est magnifique. Ouais, c'est, mais le jeu a peut-être la plus belle histoire que j'ai jamais jouée. Si on le met à côté de Beyond Good and Evil, c'est à peu près au même niveau de... Et à côté des Final Fantasy. Ouais. C'est voilà. Quoi l'histoire de Portal 2, là? Bah, Portal 2, tu l'as pas fini? J'ai pas commencé, en fait. Faut pas spoiler pour les joueurs qui vont voir sur le podcast, on te dira après. Moi j'ai pas joué. Et puis on joué, te le dira même pas à toi non plus, parce que sinon on te spoil, c'est du gâchis. Ouais, mais moi j'ai même pas joué, j'ai même pas joué à Portal 2, parce que Ralerno, il m'a toujours pas filé cette copie. Enfin voilà. C'est des histoires personnelles, ça. Non, mais si Mais Ragnar, il faut toujours le rabâcher des milliards de fois pour que il finisse par te finir un truc. Millennium, tu disais c'est des plus, mais est-ce que ça vaut c'est vraiment un super plus, toi, d'avoir sa tête sur machin, truc. Non, c'est pas un plus pour le jeu, c'est un plus marketing. J'ai jamais dit que c'était mieux. Ouais, mais c'est, gars, c'est un petit plus en plus, ça. C'est un petit plus, parce qu'il y a des plus grands plus et il y a des plus petits plus. C'est comme dans le point culture sur les Pokémon. Tiens, on va prendre un canard, on rajoute des boules sur la tête, on dit qu'il est rouge parce qu'il brûle, et puis voilà. Et c'est vrai, c'est bien trouvé. Ceux qui ont eu le courage, parce que moi j'ai essayé, mais j'ai arrêté, de jouer à Pokémon version bleue, non pas bleue, noire ou blanche, quand vous regardez les Pokémon du début, pois chijon, c'est un petit, en fait, tu prends un pigeon, voilà. Et sauf que tu lui fais en sorte, dans la description, qu'il est un peu con. Et t'as un Pokémon. Donc en fait, tu prends un Pokémon un de la vraie vie. Les pigeons, c'est toujours con. Bah oui. Non, mais. Du coup, c'est ça, c'est plein de trucs comme ça. T'es, par exemple, dans la version Saphir ou je sais plus quoi, t'as aussi les. C'est quoi, c'est les. Attends, j'ai perdu le nom. Les Goélies. Une mouette, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. On est toujours en train de parler de marketing. Même temps, c'est une tortue. En même temps, ils sont jolis, les Pokémon, mais bon, ils sont pas vraiment intéressants, quoi. Moi, j'ai fait la version rouge, jaune, diamant, or, et je peux vous dire que franchement, les Pokémon sont beaucoup plus variés, enfin, beaucoup plus recherchés que les derniers Pokémon qu'on trouve. Non, mais voilà, enfin, là, tout le coup, je t'en suis en train de parler, là, qu'on parle des suites à rallonge et ton seul, enfin, des accessoires qui sont pas forcément hyper intéressants ou pas des exploits, enfin des bonus qui sont marketing, on parle toujours de marketing, de choses comme ça. Ça prouve bien que le jeu vidéo est devenu juste une machine à fric et qui n'arrive que très peu à nous faire rêver, à nous faire voyager. Le PDG d'Ubisoft a dit à l'E3 quand ils ont commencé, l'entreprise du jeu vidéo est une des plus intéressantes. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils gagnent plein de thunes. Hein. C'est une des plus intéressantes parce que je peux te dire que quand on code, quand on fait un jeu, on aime ça parce qu'on voit notre truc évoluer et devenir de plus en plus meilleur. Mais et bon, si ça devient de plus en plus meilleur, comme je dis, mais que franchement, il n'y a pas de changement, je trouve qu'ils vont vite s'enlacer. Hein. Leur phrase, à mon avis, de plus en plus meilleur. Oui, je sais. Le premier exemple qui me vient dans la tête, Duke Nukem. C'est vrai. Ouais. Ça fait X temps qu'on l'attend. Non mais ça dépend des producteurs. Ça dépend des producteurs. Plus d'une fois j'étais déçu par des suites hein. Ouais, que t'attendais impatiemment. Bon après il y a des exceptions comme Portal qui est franchement génial. Ils ont rajouté le coop, ça c'est un truc que tout le monde voulait quoi. De toute façon Valve ils ont toujours très de bons jeux hein. Valve ils ont toujours très de bons jeux. Half-Life tout ça c'est des super Valve... jeux. Hein. En fait je pourrais dire que la seule entreprise que je connaisse qui fait souvent des nouveautés parallèlement aux suites, c'est Valve. Ah voilà. Valve est la seule entreprise que je vois réellement innover et chercher si très loin. Si t'enlèves la série du Half-Life. Ouais, hein, mais épisode 1, épisode 2. Oui, mais ces Half-Life là, tu vois, ils sont bien, tandis que les autres suites, elles décadent au fur et à mesure. Ouais. Non, mais disons c'est vrai que là. C'est vrai que Valve, c'est la barrière entre les grosses entreprises et le jeu vidéo indépendant. C'est un mélange entre les deux et c'est, pour moi, c'est la meilleure entreprise de jeux vidéo depuis quelques années déjà. Pareil, ils ont un super bon résultat. C'est incroyable, si on regarde la flopée de jeux qu'il y a sur Steam. Il suffit de regarder justement leur logiciel Steam, tu regardes, toutes les grandes entreprises mettent leurs jeux sur Steam. EA Games, ils ont leur propre plateforme qui maintenant s'appelle Origins, ils ont quand même leurs jeux sur Steam. Comme Bad Company 2 par exemple. Je suppose qu'ils vont aussi mettre Battlefield 3. Parce qu'à mon avis, s'ils étaient seulement sur Origins, personne les achèterait. Ouais. Absolument. Ah, vois, je les achète sur Origins parce que c'est mon truc de Steam. Pour finir, on parle toujours de tout ce qui est ça, d'argent, etc. Mais on n'a pas parlé de la dernière forme d'escroquerie du jeu vidéo, parce que j'appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces choses comme ça. C'est quand même les remakes à la rallonge. Notamment les rallonges, tu parles des DLC surtout. Non, les remakes, je parle. Le nombre sinon il y a Call of Duty Elite à propos des DLC. Ouais, c'est du pigeonnage de masse. Ça va ruiner les parents du coup. Ouais, les DLC, j'en ai déjà oublié. Mais moi, je pensais surtout à la 3DS. Le nombre de remakes qu'il y a sur 3DS. Attends, mais Lino, je prendrai la 3DS quand tu auras plus de choses qui sont vraiment 3DS, pas de remake, ni de portage. Bah, perso, moi je dis, j'ai acheté la DS normale presque à sa sortie, j'irai pas acheter la 3DS. Hein. J'ai regardé sur internet, sur YouTube, cherche gameplay 3DS, quand tu vois la 3D de qualité, t'y repenses deux fois. Mais après, la 3D elle dépend des personnes, tu sais. La 3D elle change de personne en personne. Par exemple, ma petite amie elle peut pas la voir carrément la 3D. Elle peut voir aucune 3D. Ouais, depuis quand la 3D était quelque chose qui nous fait avancer dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est une évolution? Elle nous fait pas avancer dans le jeu vidéo, elle nous fait avancer dans le graphisme. Ça te fait plus vivre le jeu. Tu dis, tiens, c'est en 3D, je me sens plus. C'est comme quand tu vas voir, je sais pas, Voyage au centre de la Terre 3D. T'as plus l'impression d'y être. Ouais, c'est l'immersion. Pareil. Ça dépend, hein. Ça dépend. S'il y a plusieurs écrans, ok. Mais quand j'ai été voir Avatar en 3D, c'était juste un effet de relief à la con, et sur la 3DS aussi, c'est juste un effet de relief à la con, et ça ne fait pas inclure dans l'histoire. Avatar, j'ai même pas vraiment vu l'importance de la 3D dedans. Non, mais j'aurais pu le voir ils ont mis 2D, deux caméras, ils ont mis les deux projections en même temps, tu mets tes lunettes, et ça fait que tu vois droite-gauche différemment. C'est comme l'effet, tu prends deux images, en toutes les 0,2 secondes, tu changes d'image, ça te fait un effet de 3D. Ouais, je sais, mais bon. Sinon, quoi d'autre? Le nombre, bah, je sais pas, ils ont Capcom, c'est les rois du remake, là, ils refont les Megaman en 2D, là, en 8 bits. Mais Lyon, tu fais un peu beaucoup de bruit. Ouais, je sais pas si t'es en train de manger, là. Ils refont les Megaman en 2D, 8 bits. Je pense que c'est quand même de notre faute, quoi. C'est la faute des joueurs si c'est comme ça. Parce que une demande de Megaman. C'est un peu les rétro gamers, mais en même temps, Megaman ou quoi, je pourrais les blâmer parce qu'ils étaient sur des très vieilles consoles. Il y en a qui risquent de pas connaître. Et franchement, c'est à connaître ces jeux-là parce qu'ils sont bien connus. Ils font pas de trucs nouveaux parce qu'ils perdent leur temps là-dessus. Trouvent un moyen de faire ça rapidement. Il faudrait en fait qu'ils divisent leurs entreprises en une équipe de développeurs qui fait des trucs nouveaux, une équipe de développeurs qui fait des suites et une autre équipe de développeurs qui fait les portages ou remakes s'il y en a besoin. Ouais, les remakes ça fait pas. Je parle pas des remakes là, je parle de Megaman 9 et 10 sur le Xbox Live, etc. etc. PlayStation. Ah ouais, oui, ils ont fait 16 en fait. Ils ont fait de nouveaux jeux en 2D. Qualité 8 bits, le son 8 bits, même ils ont même rajouté des trucs spéciaux pour que ça fasse vraiment l'effet 8 bits, et de nouveaux jeux. C'est totalement idiot. Si c'est pour faire de nouveaux jeux, autant les mettre au bout du jour, quoi. Faire de vrais graphismes, faire de vraies musiques, et utiliser vraiment les capacités de la console, même si c'est en 2D. Là, encore une fois, les rétro gamers, ils blâmeraient, hein. Moi, tu vas me faire jouer à un Mario réaliste, je vais faire la gueule, hein. Je préfère encore avec les petits Goomba, avec les petits points, tu vois le point, t'as l'impression que c'est un fuck ou des conneries d'un genre. Ouais, mais tu vois, moi j'ai joué à Super Mario Galaxy 2, moi je suis un grand fan de Mario, j'ai joué sur NES, etc. C'est quand même pas, moi je suis pas dépaysé, je suis même content que c'est atteint ce niveau-là. Ce soit pas resté juste au truc de 2D avec les Goombas et les champignons. et j'ai atteint un niveau aussi avancé d'évolution. Mais Mario 64, en fait, je l'ai trouvé trop long, moi. C'est ça le truc. Je l'ai trouvé trop long et trop chiant. Et en plus, il est pas très facile à prendre en main. Le personnage n'est pas facile à contrôler. Ouais, mais disons que sur la 64, le défaut, c'était justement la prise en main. Le pad, oui, c'est vrai, le pad... Le pad, c'était un pad pour Alien, en fait. Ouais, ils ont rajouté un troisième bras. Il y a que les Vortigones qui peuvent le tenir, tu sais. Il y a que les Vortigones qui peuvent le tenir avec le bras du milieu. Ils ont rajouté un troisième bras pour rajouter faire style. Ouais, il y a un joystick. Le joystick est de merde, et le troisième bras, ça nous handicap plus qu'autre chose. Heureusement que sur la GameCube, ils ont amélioré ça, et sur la Wii, encore mieux. Non mais voilà. Mais GameCube, elle a pas fait un grand succès non plus. Je comprends pas, Millennium, comment on peut dire ça, quoi. Dire que préférer avoir un truc tout utilisé, revenir à l'état de base avec les Goombas, les Koopas, etc. Plutôt que passer à Super Mario Galaxy 2, même si c'est pas forcément Super Mario Galaxy, c'est différent, c'est un 3D, je te parle d'un Mario, comme tu disais, on reste en 2D, mais avec des graphismes réalistes. Bah, réalistes plutôt. Peut-être j'ai joué à New Super Mario Bros, ou à Mario Bros 8, moi j'ai trouvé ça. Bah moi j'ai trouvé ça super quoi, enfin... Attends, devenir géant, tout casser, bon ok, tu pouvais jamais devenir géant parce que t'avais toujours un petit toit et quand tu prenais le champignon, ça te rétrécissait. Et c'est un peu nul quoi, je veux dire, au début, je sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu le menu continue sur ce jeu là. Il te reste une ou deux vies, tu vas au premier niveau, tu prends le champignon super grand, tu fais tout le niveau en courant comme un dingue et t'as quatre vies en plus. Ouais mais c'est vrai, mais... Comment dire les vieux en plus ils auraient pu ne pas les mettre, ouais. C'est peut-être parce que c'est pas une raison, enfin c'est pas parce que les nouveautés des jeux sont pas forcément géniales qu'il faut forcément revenir à nos boutons, j'ai envie de dire, mais revenir au pixel, au premier jeu, parce que c'est encore pire quoi. Puis moi j'aime bien l'aspect 8-bit, hein, franchement j'adore le 8-bit et surtout la musique 8-bit, ça m'en fait des frissons dans le dos. Mais je sais pas si vous avez vu le jeu VVVVVV. Oui, c'est comme Oui, non mais VVVVV, ce jeu là en fait il s'appelle comme ça parce que les 6 personnages dedans s'appellent Victoria, Victor, machin chose que avec des V. Bref, ce jeu là il est quand même super et pourtant il reprend le 8. Bon, il est fait en flash avec des technologies nouvelles, mais il est en 8 bits. Je demande pas le 8 bits, moi. L'aspect graphique 8 bits c'est bien, mais avoir les mêmes défauts comme dans Mega Man 9 et 10, avoir les mêmes défauts que les jeux sur NES, c'est quand même horrible quoi. Bah, ah oui, il pourrait nous faire le 8 bits sans défaut, ce serait déjà mieux, oui. Oui. C'est-à-dire que l'apparence et le son, mais qu'il n'y ait pas les bugs et trucs comme ça. Ils ont rajouté des trucs spéciaux pour que ça fasse des bugs. C'est quand même des gros malades chez Capcom, hein. Ils ont fait exprès que ça fasse des bugs? Oui, ils ont mis des trucs spéciaux pour qu'il y ait des, les sprites soient mal affichés et des clignotements, comme sur les consoles la NES. Là, ils sont allés fort. Ouais, mais voilà. Non, mais il y a un truc aussi, il faudrait qu'on y réfléchisse. Je pense notamment à The Legend of Zelda A Link to Past. To the Past. C'est un Zelda. Ouais, To the Past. C'est un Zelda, pour le finir, mettait bien 3-4 jours en jouant au moins 12 heures par jour. Non, parce que les jeux comme ça, ça existe plus. On dit, ouais, machin, super jeu, 2 ans de production, tant de jeux, 12 heures. Ouais, voilà. C'est vrai qu'ils font pas, ils font plus durer les jeux. Il y a plus de durée de vie qui descendent de plus en plus. Quand je regarde Portal 2, je me suis dit, c'est génial, 6 heures de durée de vie de jeu, ça va être génial. J'ai fait la coop avec un collègue, quand on a vu qu'on était à la fin, on avait les boules, hein. Ouais, mais comment dire, tu parlais de Zelda, mais dans Zelda Link to the Past, il y a aussi des surprises. Quand tu arrives, tu prends les 3 médaillons, tu t'attends à avoir fini le jeu parce que ça t'a déjà pris beaucoup de temps. Mais là, tu te rends compte que t'as même pas fait la moitié du jeu, que t'as fait un tiers et qu'il te reste encore à aller faire 7 donjons pour battre Ganon. Ouais, non, il préfère te mettre un DLC ou une suite de jeux. C'est ça qui est chiant. Ouais, mais attends, t'as les DLC pour avoir une durée de vie à peu près correcte. Les DLC rallongent la durée de vie quand même. Il faut le remarquer. Ouais. Si vous regardez Borderlands, on gagne. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais si vous regardez Borderlands, on gagne quand même des dizaines d'heures. Ouais, mais c'est que le premier DLC de Borderlands est sorti un mois après sa sortie. Ouais, mais c'est quoi, cool, les gars, ils ont sorti Borderlands, ils étaient déjà en train de travailler sur le projet, le DLC. Ouais, mais c'est payant, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est autant, bah, je sais pas maintenant, s'ils veulent nous faire des jeux façon Ikea, des jeux où on a que une heure de durée de vie et qu'il faut après racheter, Non, mais voilà, ça n'a aucun sens en termes de jeu, quoi, c'est là. Encore, tu vois, quand j'accepte qu'il y ait, dans les nouveaux point and click de Telltales, des choses comme ça, qu'il y ait ça soit par épisode, autant, dépenser 70€ et avoir un jeu qui n'est pas complet, ça je l'accepte pas. Parce que c'est vraiment horrible, quoi. Et certains DLC qui coûtent moins cher et qui durent plus longtemps que le jeu original qui coûtait 70€. C'est quand même grave. Ça me fait penser aussi les DLC à New Vegas que joue beaucoup Ragnarok. Il y a des milliards de DLC et il a dit, la plupart du temps quand il installe un DLC, crash. Il crache sans arrêt, il est obligé de réinstaller tout le jeu à chaque fois et réinstaller les DLC. Et si jamais il fait une fausse manip, il crache. Mais alors je sais pas combien de fois, mais à chaque fois je l'entends parler d'installation de nouveaux DLC. Enfin, je sais pas combien il y en a, mais je voudrais pas les compter. Le pire, c'est quand même les Sims, quoi. Les Sims, le nouveau jeu qui est sorti sur les Sims, génération, là, les Sims 3. Mais de toute façon, tous les Sims, ça a toujours été pareil. T'as Sims, Animal and Company, tu achètes le DLC pour ajouter les chats, le DLC pour ajouter les phoques. Non, les chiens, les chats, moi j'y joue. Ouais, mais... Non, les Sims, ils sont déjà... C'est une image, je veux dire... Une fois qu'ils y sont déjà, t'as qu'à trouver des mecs qui aiment les autres mecs dans les Sims et tu trouves les phoques. Après, tu peux trouver facilement les baleines, ça c'est les grosses. tu peux trouver les thons aussi, c'est pas trop difficile. Enfin, le côté maritime des Sims animaux, ça passe encore. C'est facile à avoir. Non, mais moi, j'ai rajouté le génération, et c'est vrai que c'est quand même... il y a trois trucs, il y a trois objets de rajouter, il y a deux cannes, et il y a trois options de discussion rajoutées avec machin truc. Et c'est... Et ça coûte 35€, et tu l'as dans le cul, quoi. De toute façon, surtout que je me souviens des anciens DLC des Sims. Il fallait des milliards de CD en plus, t'avais une dizaine de CD. Les jeux qui fonctionnent le plus en ce moment, quand tu réfléchis bien, c'est, je vais donner un exemple, Minecraft. Pourquoi? Tu construis toi ce que tu veux, ça prend tant de temps, puis quand t'en as marre, tu mets un add-on, tu rajoutes des mods. Du coup, tu commences à créer des armes, des tanks et tout. Et en fait, quand tu regardes tous les jeux où tu personnalises tes trucs, qui sont dits Minecraft-like, où tu peux rajouter des mods comme Garry's Mod, hein, tout con, ils ont une durée de vie qui continue et qui prospère à chaque nouveau mod qu'un fan crée. Je tiens à faire remarquer que les mods sont gratuits. Les joueurs qui les donnent aux autres. Tu payes le jeu, c'est une vingtaine d'euros, et après, c'est gratuit en plus. C'est que les jeux comme ça, il y en a, mais... Pas beaucoup. C'est que les entreprises indépendantes qui l'ont fait. Garry's Mod, c'est Gary Newman à la base. Après, tu as Notch qui a fait Minecraft. Ouais, voilà, c'est moi qui sais qui a fait Terraria. C'est des jeux qui sont pas chers, quoi. En plus, c'est des jeux qui sont pas chers et qui durent plus longtemps que les jeux qui coûtent 70€. En plus, acheter la console, etc. Enfin, c'est quand même assez étonnant, quoi. Mais Priam, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, on t'entend pas. Oui. Vas-y, parle. Je suis malade, je viens de dégueuler. D'accord. Désolé pour l'inactivité. Bon appétit pour ceux qui sont à table, d'ailleurs. Voilà, donc... En fait, Terraria, je crois que c'est Relogic qui a fait Terraria. Oui. Donc, on a à peu près traité tout le sujet. Mais je cherchais quel truc. Andrew Spinks. C'est un développeur. On va conclure sur le premier thème, c'est-à-dire l'E3. Concluer. Oui, donc si vous avez quelque chose à dire d'autre qu'on n'aurait pas parlé, c'est à ce moment-là qu'il faut parler parce que le débat va être enterré dans les profondeurs. Hein. On a parlé de la présence des mauvaises choses à l'E3, mais on n'a pas parlé de l'absence des bonnes choses. Oui. Ah mais de toute façon l'absence des bonnes choses, elle est omniprésente dans l'E3, tu t'attends à plein de nouveaux trucs. Bah c'est juste un rendez-vous marketing pour tous les PD gelés de tous les divers de vidéoludiques et les joueurs ils s'en sortent forcément déçus quoi. À part pour les meufs, ça sert à rien l'E3. Bah moi j'attendais à voir le Metal Gear Solid 5 personnellement et on n'a rien vu, on a vu un remake de Metal Gear Solid 2, 3 sur PS3. Non alors c'est sur 3DS ils vont refaire Snake Eater. Et moi je vais reparler de Daneville d'ailleurs si vous parlez des suites que vous attendez qui seraient bien. Et moi je parle de ça fait près de ça fait 4 ou 5 ans j'attends la suite de Beyond Good and Evil. Tout le monde est à peu près déçu. Donc, des bon, un peu frustré qu'ils en aient pas. Bah, en fait, ils ont essayé tous les jeux, ils se vantaient déjà que c'est utilisé leur accessoire et que c'est soit exclusivement sur leur console. Bah, oui, déjà pour tout ce qui est Sony et Microsoft, quand je vois Sony, ils disaient ouais, tel jeu qui sera sur toutes les plateformes. Alors, déjà, voilà. Mais il y aura une exclusivité PS3. Il y a juste bah, Ubisoft, comme eux, ils ont pas de plateforme. Là, tu pouvais t'attendre à vraiment de bons jeux. Mais je veux dire, il y avait pas EA Games. Enfin, bon, il y avait, ouais, plus ou moins EA Games. T'avais Battlefield 3. Mais, je veux dire, ça, tu savais que y être, parce que Battlefield 3, c'est l'avènement. D'ailleurs, on en parlera de Battlefield 3, parce que, vu qu'il va sortir le mois prochain, on fera un... Le mois, il sort pas en janvier, hein. Il sort en juin, non? On est en juin. Il sort en juin. Voilà, il est juste 16h10, il va falloir qu'on commence à parler de... Il me semble qu'il sortait ouais, en novembre, moi. Parce que sinon, on va attends, devoir faire regarder. Passer pour... ouais, il sort le 28 octobre. Le 28 ouais, octobre. Voilà. Non, mais on pourra faire un... Non, bah, on fera pas ça, d'ailleurs. Ce que je pensais faire, quand il sortira, on fera un débat Battlefield 3 contre... Contre Call of Duty, parce que chacun a à peu près son avis. Donc pour compléter, ouais, mais tu compares encore deux jeux différents, donc ça va oui. Le faire. Puis oui, on mais va voilà, se faire mais... agresser par les joueurs de Call of Duty si on critique Call of Duty et par les joueurs de Battlefield 3. Ouais, mais si j'espère on, qu'il y a si pas beaucoup qui traînent sur notre code. Non, bah podcast, déjà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu vois, s'il y a déjà deux personnes qui vont commenter, on sera déjà bien gâté, s'il te plaît. Si vous voulez. Hey, oh, j'ai posté le Cosmicast sur mon mur. J'ai posté le Cosmicast sur mon mur Facebook déjà. Ça pourrait aider un petit peu. Si vous êtes une des deux personnes qui écoutent le Cosmicast en ce moment, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est grâce à merci. Vous qu'on fera le début d'une grande chose. Ouais voilà. Donc on a un peu moins grande chose que Millennium pense, mais un peu grande quand même. Donc qui sait. C'est vite parti. On regarde lors du grenier, les points culture, des trucs comme ça. Bah d'ailleurs ils arrivent pas. Allez au collège ils arrêtent pas de parler de points culture. Ils arrêtent pas de nous sortir points culture par-ci, points culture par-là. D'ailleurs il y a un truc qui m'énerve à propos du point culture. Il y a un truc qui me saoule à propos de ça, c'est que ils les regardent des milliards de fois. Je comprends mais pas. Moi je le regarde une fois, ça me suffit. Ils arrêtent pas de foutre des citations partout. Mais 10 milliards de fois tu regardes le point culture. Où est l'intérêt? Qui est peut-être un peu plus une ou deux fois ça y est efficacité petite pub en même temps c'est Norman fait des vidéos.com oui bon ça c'est assez il y a les quoi résume en un mot amazing ouais, voilà. Et son chat, au début de l'année, il avait 30 000 fans, parce qu'il faisait un truc avec Level Cruz, ouais, c'est-à-dire sa bande de potes, etc. Je vais pas épiloguer, comme il dirait. Aujourd'hui, il a plus de 300 000 fans sur Facebook. Ah, il est parti. Bah, Monsieur Dream aussi, maintenant il est sur, il est parti de rien, et maintenant il est sur Energy 12. Bah, il arrive à, bah, c'est Energy 12 quand même, c'est pas non plus, la fête à mémé ou IDF1, mais... Il y a aussi, il y en a aussi un du Velcro, attendez que je le retrouve dans les pages que Hugo j'aime. Hugo tout seul. Ouais, il faut que je vois combien il y a de fans. Femmes. Combien il y a de femmes, je crois qu'il en a qu'une seule, si déjà il en a une. Donc on va... Il a 175 705 fans. Ouais. Donc on va finir, Il y a 10 minutes à perdre aussi, qui sont Gaël et je sais plus qui. Et ah il ouais, à perdre sur Facebook, qui sont 56... 56 809 fans, je les adore. On va finir sur l'E3. Ouais, donc on peut dire que c'était un E3 où les jeux qui sont présentés étaient assez décevants. C'était l'E3 plus des consoles et des nouveaux trucs plutôt que l'E3 des jeux. Bon, bah, disons que tout ce qu'on s'attendait à part Far Cry 3 y était et on n'avait pas de réelle surprise malgré les soi-disant surprises. Ouais voilà. Donc bon. Donc on va se dépêcher parce que bon je pense que j'ai mal prévu parce que je pensais faire 1h30 et va sûrement passer plus de 2h. Donc merci de rester 2 heures. Vous avez 30 minutes supplémentaires d'ailleurs, c'est génial. Donc on va refaire le, comment ça s'appelle déjà, la triture. Alors c'est un mélange de 3, donc le chiffre 3, et 2 cultures. Donc vous pouvez dire un jeu vidéo que vous avez joué pendant ce mois-ci, une musique que vous avez joué, que vous avez écouté pendant ce mois-ci, ou un album, un film, je sais pas, enfin, vous pouvez dire 3 sortes différentes, 3 jeux vidéo, 3 musiques, vous pouvez être comme vous voulez, mais il faut que ça tienne en 3 œuvres, en 3 œuvres. Donc, au Millennium, tu commences, je t'ai dit en premier, donc, tu commences. Bon, alors, moi, je vais vous parler de 2-3 jeux comme APB Reloaded, qui est donc le Reloaded de l'ancien APB, qui était payant, qui a coulé à cause du fait qu'il soit justement payant. Il est sorti en free to play. Donc par Gamer First. Alors qui dit free to play dit forcément t'as du contenu pour être un PGM et tout, sans forcément avoir de skill. Mais faudra déjà t'expliquer ce que c'est APB Reloaded. Alors, APB Reloaded, pour dire simple, c'est un jeu mais tu jures. En multijoueur avec les gentils et les méchants, que les criminels et les policiers. Donc je vois tout de suite les gens, oh machin, je vais aller en criminel, c'est génial, c'est super. Si vous allez en criminel, déjà vous êtes grillé sur 3 points. Vous pouvez vous faire niquer par n'importe qui à partir du moment où vous faites une effraction. Donc par n'importe qui, je parle surtout des gentils. Vous avez très peu de place parce qu'il y a tellement de criminels déjà que vous allez en chier. Et en plus, c'est un peu la loose parce que t'es le grand méchant. Mais je peux vous le conseiller parce que non seulement c'est déjà un GTA Online pour tous ceux qui aiment les GTA San Andreas Online ou GTA 4 Online, les modes, etc. Mais aussi parce que c'est un des jeux que je connais qui a le plus de possibilités pour la customisation. Je veux dire, votre personnage sur les Sims en un quart d'heure, c'est fini. Sur APB, j'ai mis 1h30 à faire mon personnage. Disons que vous avez les rides. Déjà, vous choisissez quel type de ride vous faites, et après, avec une sorte de petite roulette, vous faites en sorte qu'elle soit plus prononcée ou pas. Vous faites plus musclé, les yeux de telle couleur. Et en plus, attends, les rides, tu peux les faire plus prononcées ou pas, plus profondes ou pas, plus sombres ou pas, plus allongées ou pas. Il y a des milliards de possibilités sur un seul petit élément. Et alors, je vais pas vous dire les centaines d'éléments différents qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien le nombre de possibilités, personnages infini. Différents jeux vrais. Non, c'est pas infini, mais ça ferait exploser la tête de Stephen Hawking. Par contre, j'ai des problèmes au niveau des coupes de cheveux, parce que il y a pas beaucoup de coupes de cheveux, je pense qu'il devrait en rajouter. Ça, c'est vrai. Partir des coupes de cheveux, t'es un peu limité, mais tu peux quand même régler la longueur de la coupe des cheveux. Certaines coupes de cheveux, Donc, APB Reloaded, vous pouvez l'avoir gratuitement. Il est en bêta. Et il faut avoir quand même un PC de la mort pour pouvoir le faire tourner. Ah ouais, par contre, c'est son seul défaut, il faut avoir un super bon PC, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a coulé. Parce que moi j'ai un Pentium R Dual Core 280 GHz et j'arrive pas à le faire tourner alors que j'ai 4 Go de RAM et que je suis en 64 bits. Je vous conseille un bon 64 bits avec 4 Go de RAM et un quad core en processeur. Parce que le fait est que même moi avec tout ça, moi j'ai pas 4 Go de RAM et je suis en 32 bits, j'arrive à crash toutes les 2 heures environ. C'est son grand défaut, c'est qu'il prend énormément de ressources. Votre PC il va faire un boucan du diable si vous n'avez pas un water cooling. Parce qu'il doit vraiment calculer les positions en temps réel de chaque joueur, chacune des customisations des joueurs, chacune de leurs voitures, chacun de leurs voitures customisables aussi, vêtements aussi, tags. Absolument aussi, tout ce qu'ils font. En plus, il faut calculer ce qu'ils font. Et il faut calculer leur tir, il faut calculer absolument tout. Non, dis pas tout, parce qu'on est déjà en retard. Donc... mais il faut aussi remarquer qu'il y a les positions en temps réel dès qu'on est en groupe. Donc dès qu'on fait une mission, ça lag 2 fois plus. Oui, d'accord. Donc Millennium, deuxième truc que tu voulais nous dire, présenter. Je voulais aussi parler de Terraria. Alors Terraria, soi-disant. On avait déjà commencé. Tu parlais avec moi, Rudo. Ouais, moi aussi, j'ai joué. Donc vas-y, parle de Terraria, le fameux Terraria, soi-disant. Minecraft Lite. Pourquoi ? Parce que vous avez des blocs que vous pouvez déplacer et vous devez construire des maisons. Des maisons pour quoi faire ? Pour faire joli ? Non. Pour accueillir les PNJ qui vous permettront de pouvoir acheter des équipements pour progresser au fur et à mesure du jeu. Ce qu'il n'y a pas dans Minecraft, donc déjà, on en est à 10 km. Ce qu'il n'y a pas pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais je pense que, franchement, dans Terraria, est beaucoup plus en avance déjà, donc ce sera beaucoup plus approfondi quand Notch mettra ça dans Minecraft. Bah Minecraft, surtout que c'est encore une bêta. Et qui coûte que 15€ pour l'instant. Bon, pas bientôt. Ouais, comparer Terraria à Minecraft, c'est un petit peu comparer. C'est une mauvaise idée. C'est comparer le beurre au camembert, quoi. C'est fait à partir du lait, mais c'est pas, c'est, ça a pas du tout le même goût, ça a pas du tout la même texture, et ça, c'est pas du tout utilisé pour la même chose. Donc Donc comparer le lait avec le lait de soja. Pour en revenir, Terraria, je vous le conseille énormément pour tous ceux qui aiment les RPG. Et donc là, en occasion, en multijoueur, il y a des aides. Vous pouvez aller sur les sites pour tricher, pour trouver les crafts. Vous avez plein de trucs. Donc je vais donner un exemple. Vous créez votre personnage. Peu de personnalisation. C'est pas très très important parce qu'il y a les armures qui vous revêtissent après. Par exemple, et en plus, je crois vous pouvez que avoir une armure en fer. Maintenant, il y a les social slots. Ouais. Alors je crois qu'ils sont faits pour mettre des décorations pour être. Voilà, en fait, c'est ça. Soit vous avez votre armure super pas belle, mais vous vous dites merde, ça fait chier, elle est pas belle, et vous en mettez une super jolie à côté. C'est un peu du type j'ai une putain d'armure super jolie, mais en fait, on voit pas le vrai skin. Il y a plusieurs RPG où ils font ça d'ailleurs. Et puis en même temps, les armures, je les trouve pas mal, les armures de base, hein. Je les trouve jolies. Par exemple, celle que j'avais, elle faisait un peu Megaman, mais je l'aime bien. Vous avez des boss, parce que vous n'avez pas dans Minecraft, etc. Vous avez des monstres, de jour autant que de nuit, mais de nuit ils sont plus forts, forcément, il y en a d'autres. Vous devez donc construire des maisons pour avoir des PNJ, ou des personnages non-joueurs, pour les vraiment français qui ne connaissent aucune expression. Et vous devez donc acheter des équipements, vous avez de l'argent. Ah, et oui, juste une chose, quand vous mourrez sur Minecraft, vous perdez tout. Là, sur ce jeu-là, vous perdez juste votre argent, enfin, la moitié. La moitié, c'est, oui. C'est le plus important, parce que l'argent, c'est vraiment un concept d'argent dans le jeu. Grâce à l'argent, vous pouvez tout faire. Vous avez deux manières, soit vous le créez en récoltant des ressources dans le sous-sol ou dans les airs, etc. Soit vous l'achetez. Ouais, même tu pourras pas acheter la dernière arme du jeu non plus, hein. Oui, à mon avis, tu pourras pas acheter l'équipement Hellfire de Millennium au petit vendeur d'armes et puis après le vieux là qui porte son gros sac ou je sais pas quoi. Non, mais par exemple, déjà le jeu il a une fonction pour reconnaître les maisons. Donc par exemple, pour votre maison, il vous faut un mur de fond parce que vous pouvez aussi construire le mur de fond. Il vous faut une porte, une lumière, une table, une chaise. Voilà. Ça c'est une maison. Vous la faites carré, rectangle, en triangle, en rond, comme vous voulez. En fait, je crois qu'on a même mentionné qu'il était en 2D. C'est en 2D, oui. Le plus important, c'est que c'est en 2D. C'est vrai qu'on l'a. Si je l'ai mentionné. C'est en 2D, début, mais là, on n'a pas parlé. C'est en deux dimensions, mais on peut se dire que deux dimensions, ça draine beaucoup les possibilités. Mais en même temps, c'est vraiment très très bien foutu pour un jeu 2D. C'est beaucoup plus étendu que ce que je pensais. C'est un très bon jeu. Il y a souvent des mises à jour, comme on a dit avant. Et ça coûte à peu près 10 euros sur Steam. C'est 10 euros sur Steam. Je viens juste de l'avoir, les gars. Donc oui, ce jeu a le label approuvé par la Team Frobars. donc le troisième jeu ou musique ou film, ça serait bien que tu changes un petit peu. On a oublié de dire un truc à propos de Terraria, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances, surtout avec les Final Fantasy et Chrono Trigger au niveau des personnages. J'ai trouvé ça très amusant et très agréable à voir. Oui, on est en retard. Bon, maintenant, on peut passer au suivant. On est en retard, donc on s'en fout. Pour le troisième, je vais parler surtout d'une petite série que j'ai parlé il y a deux secondes. C'est Norman fait des vidéos. Alors, je fais un peu de la pub. Mais c'est en fait un gars qui fait des vidéos. Il s'appelle Bidule, machin. Il a tel âge. Voilà, ça, on s'en fout, hein. Il fait des vidéos, par exemple. Voilà, il fait des vidéos amazing. Par exemple, chat dans toilette. Il explique comment faire une bonne vidéo avec chat. Donc, il t'explique ce qu'il faut faire ou pas faire. Il t'explique. Je vais pas vous spoil, je vais vous laisser regarder. Allez, vous sur Norman, fait des vidéos. Qu'est-ce qu'il faut pas faire avec les timides. Qu'est-ce qui se passe pendant l'été. Par exemple, tous tes potes t'appellent pour faire telle chose ou telle chose. C'est drôle, vous avez drôle. L'effet des... C'est très drôle, oui. Il fait des bons effets. Vous avez aussi l'effet des aftershave sur la virilité. Oh! Il y a des trucs sur les retards, sur les bilingues avec la touche snooze. Et puis il a une tête qui est vraiment marrante, quoi. Il est vraiment agréable à regarder dans ses vidéos. Il est super sympa. Pour ceux qui connaissaient le Velcro, pour ceux qui connaissaient le Velcro, avant il s'appelait Cowboy. Cowboy. Vous savez, regarde le Palma Show. Si vous avez vu le Palma Show, ce qui qu'il faut pas faire quand on est coiffeur, faut y voir le gars qui a la crête et qui dit vous foutez de ma gueule, c'est Norman. Ah ouais. Voilà. C'est lui. J'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai fait oh. Enfin, ah, voilà. Il est hyper connu. En fait, ils sont issus de la même chose en fait. Le Palma Show, ils viennent aussi d'Internet, donc ils doivent se connaître, comme Monsieur Dream d'ailleurs. Priam, oui. C'est à toi de. À moins que t'es... Priam, non. Je crois que je vais l'appeler Priam le muet. Ça sonne bien, tu sais. Ça fait nom un peu héroïque. La... Ça pose un problème. Priam le muet, ça rend bien. Bah, Priam, ça pose problème que tu parles pas parce que c'est un podcast que t'es juste audio. C'est vrai que au niveau vidéo, on va peut-être rajouter même des images. Même vidéo, je vois mal un gars assis sur une chaise qui attend. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra. Et t'es en train de vomir. Chica, ça me fait penser que montage, tu devrais mettre de la vidéo. Par exemple, quand on fait Terraria, tu devrais mettre la bande-annonce de Terraria avec le son très bas. Ouais, ça serait ou des screenshots, ça serait super. Des trucs comme parce ça. Que moi, je la regardais en même temps que Millennium en parle et je trouve que ça colle très bien. Moi, je regardais ma page Steam avec mes screens. Je rajoute ça dans le post parce que. Dans le post, je mets une description, puis je mets tout ce qu'on a parlé à peu près. Et vu que ça dure 2 heures, je vais avoir du boulot. Enfin, donc Priam, si t'as envie de nous, tu à peux toi, aussi Priam passer. Le muet, nous t'écoutons. Tu peux aussi passer ton tour, hein, si t'as rien. Non, moi franchement, j'ai eu un coup de cœur. Déjà, il y a un groupe que je connaissais depuis un moment. C'est Chaka Ponk. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ils ont sorti leur 3e album 6 juin. Et donc j'ai sauté dans le bac pour l'acheter. Franchement, un gros coup de cœur parce que des chansons qui s'écoutent très facilement, super agréable. Ouais, franchement, je vous le conseille énormément. C'est ultra dansant, c'est de la rock électro. Enfin, pour ouais. Ceux qui connaissent pas, c'est. Je pense que ça va me plaire ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qu'on fait Oh Weekly Stars. Pour ceux qui connaissent Oh Weekly Stars, et c'est du même style que pour ceux qui connaissent aussi Remix Zircon. Zircon le remixeur. Alors juste pour les personnes comme fond moi, audio, si vous voulez. Je pense que ça sera sur le montage. Mais pour les personnes justement qui sont comme moi, qui ne connaissent les musiques, mais pas les titres ni le groupe, ça serait pas mal de passer la musique. Parce que moi avant, tu me disais, tu connais Trio? Je faisais Trio. Tu me passais la musique, je connaissais des trucs comme ça. Ouais, mais tu vois, on va avoir des problèmes, ce qu'on appellera des problèmes de copyright. J'adore les copyrights, c'est génial. Ça nous aide très bien. On va dire que c'est utilisé de manière artistique alors. Voilà. Ouais. Oh mais donc, tu mets juste un 2-3 secondes qu'à certains temps ça rappelle des trucs. Non mais je le rajoute au montage. Tu veux parler de Zelda, tu vas faire ta ta ta ta. Donc taisez-vous, je passe la musique. Donc voilà, c'était une très bonne musique. Parce que je c'est très drôle parce que je dois le rajouter au montage. Donc nous on n'a rien entendu au final. Donc cette musique était belle, bien ensemble. Non mais franchement, si tu dois mettre une musique de cet album, c'est Let's Bang. Let's Bang, d'accord. Donc ensuite, je vois Monkey TV Chaka Ponk parce que je suis sur tv.chakaponk.com et New Song Free Download, c'est-à-dire qu'ils font des titres gratuits. Ouais, mais je vais mettre un petit. Ouais, Let's Bang par exemple. Donc du coup les copyrights seront plus doux à mon avis, si je peux vous dire. Et je crois que c'est un truc espagnol parce qu'il y a des beaucoup de titres qui sont écrits en espagnol comme. Eh ben non, c'est un groupe français. Français, bah pourquoi il y a Bah ça remonte un peu la musique française parce que j'écoute en ce moment, c'est vraiment super. Ouais, j'étais un peu déçu du nouveau Justice, de nouveau Just Ice. D'ailleurs, parce que c'est juste Ice et non pas Justice. Enfin, donc, si t'as un autre truc à dire, au pire, tu mettras un Joker pour les deux autres. Et la prochaine fois, on parlera de 5. Non, le ceinture. Donc, t'as un autre truc à dire. Ça fait quand même mieux, la triture. Hein. C'est la quinture, si c'est avec 5. Non, ouais, mais la ceinture, parce que c'est 5. Ceinture. C'est vrai que ça fait quand même mieux aussi. Parce que si on parle de ceinture. Donc c'est la ceinture de Priam et la triture de Millennium de Windows. La ceinture de Priam le muet. La ceinture de Priam, il y a Windows. Donc vas-y, si t'as autre chose, les deux autres Priam. Hein. Je vois pas du tout après. Joker. Dernièrement en film, j'ai rien vu. Si, peut-être un jeu vidéo. Ouais. Bah, je me suis mis à League of Legends, donc je sais, j'ai beaucoup de retard par rapport à certains. Pauvre enfant. Bon, après, c'est mon avis personnel. Pauvre de toi. Bah après, il y a des gens qui adorent Dota, parce oui, que ça dépend si on aime Dota ou pas. Hein. Ouais, moi, bon, c'est les avis perso, mais tous les Dota qui existaient, il y a des compagnies de free-to-play qui ont créé des Dota. J'ai joué à Dota sur Warcraft 3, par exemple. J'ai joué à League of Legends. Après, t'accroches pas. Et le pervers Dota la fille. Et tu trouves ça génial? Bah ouais, moi franchement, j'accroche carrément, parce que j'aime bien le principe de pouvoir changer de personnage comme on en a envie, en fait. On s'ennuie jamais à... Enfin, le nombre de cartes est pas grandiose, deux, en fait. Mais tu fais du... Enfin, c'est un jeu qui se joue en team, en fait. Ouais, c'est pas... 4 contre 4, pour ceux qui ne connaissent pas. 3 contre 3 ou 5 contre 5, en fait. C'est un jeu qui a seulement 2 cartes. 2 cartes. Oui, il y a 2 cartes, mais il y a 50... Il y a 50 personnages, même peut-être un peu plus. Le gameplay, ne joue pas sur ces cartes. On va se dépêcher, parce que après, on va avoir un public de Kikou, parce qu'il y a beaucoup de Kikou qui jouent à League of Legends. C'est vrai, j'avoue. Et c'est pour ça que je déteste ce jeu comme Dofus, parce qu'il y a beaucoup de Kikou et c'est chiant. Quand tu lâches ton stuff, ils te disent que ninja, et puis tu te le ramasses, et c'est super génial. Donc League of Legends, c'est un super jeu de cartes. Un concept révolutionnaire. Ensuite, c'est à Redo, je crois. C'est à Redo, donc toi, tu as. Il a pas dit son troisième truc, hein, Priya. Oui, mais il a pas d'autre idée, on s'en fout, de toute façon. Ouais, là, t'es bien méchant, là. Il va dire sa team préférée. Le troisième, c'est sa team préférée. C'est ses deux jeux préférés. Alors, c'est quoi? C'est toi. Crowbars. Voilà, merci. Ouais. Lol. Merci. Donc, oui, t'as génial, Crowbars. T'as fait trois trucs. Donc, de toute façon, il a pas plusieurs teams, il est dans celle-là, donc il n'a pas forcément beaucoup de choix. De toute façon, Crowbars est multigame, donc ça fait un peu tous les jeux qu'on y joue. Enfin, tous les jeux dont on parlera en tant que Crowbars, on pourra dire qu'il est connu aussi. Ouais, c'est totalement faux. Ouais. Mais on s'en fout, là, on est en retard. Donc, à mon tour, donc, je vais présenter un petit Japanimé qui est. Oui, parce que bien. C'est un type qui adore le Japon, Rudo. C'est Rudo. Je suis otaku, moi. Bien qu'il n'existe plus. Comment ça? Ah, non, d'accord. Bref, les cartes sont pas à jour. Il y en a que deux. Bref, moi j'ai. Alors, c'est un ami qui m'a conseillé Ghost in the Shell. Donc il y en a deux saisons, Standalone Complex et Standalone Complex Second JIG. C'est dans le futur et c'est dans les périodes où ils ont commencé à pouvoir trouver des corps cybernétiques, et donc ils mettent les esprits des gens dans les corps cybernétiques et ils peuvent les contrôler comme ça. Et il y a une équipe de ces gens mi-homme mi-robot, enfin bref, c'est façon de parler. Bien sûr, ils ont une apparence toujours humanoïde. Et c'est des types de, en fait, c'est un peu anti-terrorisme. Sauf que bon, il y a du hack, il y a du piratage, il y a de l'électronique, il y a plein de machins comme ça. Ça peut paraître débile quand je le présente là, mais c'est très agréable. Il faut regarder au moins une ou deux fois. Joué à Deus Ex. Ça fait à peu près pareil. Oui. Ouais, ça s'en rapproche, oui, ça s'en rapproche bien. C'est un bon exemple. Tous ceux qui aiment le seinen, le type de manga seinen, ils vont aimer. C'est dans une ambiance cyberpunk, c'est super. Il y a un peu des mechas aussi dedans. Oui, par contre, pas tout le temps, mais un peu. Comment dire, c'est quand même ancien comme manga. Là, t'es en train de regarder. Attends, tu lis, toi, Human Processor, Human Error Processor, toi. La dernière? Non, je connaissais même pas de nom. Parce qu'il y a trois trucs. Il y a Ghost in the Shell, qui a duré de avril 96 à octobre 96. Il y a Man-Machine Interface, qui a duré de décembre 2002 à août 2003, et Human Error Processor, appelé également Ghost in the Shell 1.5, qui dure depuis novembre 2006. Bah, faudra que tu me notes ça quelque part, parce que ça m'intéresse et je le savais pas. Ensuite, en jeu, bon, c'est un vieux mode. C'est un mode Dive Life 1, mais je l'ai repris récemment. Et je le trouve toujours aussi awesome, et il est vraiment Il est bien foutu, il a beaucoup d'améliorations et la qualité est meilleure qu'Half-Life 1. C'est Sven Coop. En fait, c'est un peu de la coopération dans des maps qui sont faites avec le moteur d'Half-Life 1, mais il y a des possibilités infinies. Et il y a des maps de tout type, il y en a qui sont juste pour déconner, il y en a qui sont très sérieuses, il y en a qui sont des fouloirs, il y en a des très comiques. Mais c'est un FPS, bien sûr, que c'est Half-Life 1. Et c'est développé par un gars qui s'appelle Sven Viking, il y a une petite équipe, et ils font un super boulot, un vraiment super boulot. Petite parenthèse, par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours les jeux petite où tu peux faire ce que tu veux, c'est-à-dire des modes, des maps, etc., qui vivent le plus, hein. Vous en avez la preuve. Bah oui, les maps là, on peut faire beaucoup de maps perso, comme pour tous les trucs d'Half-Life 1, on peut, beaucoup de gens y jouent encore parce qu'on peut mapper très facilement dessus. Enfin, très facilement quand on sait faire, parce que moi je sais faire et c'est plus facile que ça en a l'air, mais en même temps, bon quand même. Bref, et Sven, si vous voulez aller voir. Non, mais. Je sais mapper et si je disais que je savais modéliser, là je me la pèterais, mais je sais pas modéliser. Bref. Si vous voulez savoir mapper, allez sur le site du Zéro, il y a des tutos pour ça. Sinon, si vous voulez voir pour Sven Coop, allez sur svencoop.com. Et après... Pour finir, alors Jordo, le chico de la team, joue à Seven Coop en ce moment, je viens de voir ça sur Steam. Petite annonce de Steam, oui. C'est un kikou, mais il écrit bien, on va dire. Donc, non, c'est pas un kikou, c'est un pige. C'est oui, pas un voilà. Kikou parce qu'il écrit bien, mais il a juste une voix de pige. C'est pas de sa faute, hein. Il a pas mué. Bah, comme moi, au final. C'est un pige un peu plus mature. Ouais, mais toi, t'as déjà une voix plus... Bah en fait moi j'ai une voix de canard. C'est-à-dire ça mêle. Oui, ça j'osais pas le dire mais bon il l'a dit lui-même. Donc voilà, Chica a une voix de canard. Et bah sinon en reste en film peut-être, un film attends que je vois s'il y a un film. Sinon j'ai lu Les Souliteurs en manga, je les ai pas totalement finis, mais en film, alors qu'est-ce que je pourrais conseiller en film? Les Mangeurs d'âme. District 9. Non, District 9. Alors, des espèces d'aliens qui sont arrivés parce que leur vaisseau est tombé en panne et donc qui est tombé en vol stationnaire au-dessus d'une ville américaine. Et les aliens, au bout de quelques années, commencent à vivre en cohabitation, enfin cohabitation entre guillemets, parce qu'ils sont foutus dans des camps, un peu dans des camps de réfugiés, et ça devient des bidonvilles ou quoi. Et dans District 9, il y a un reporter qui se trouve impliqué dans des affaires en rapport avec l'État, parce que l'État cache des choses à propos des aliens, sans trop vouloir spoiler non plus, et il se retrouve impliqué dans une affaire comme ça. Et il doit aider les aliens à redécoller ou quoi. Il fait un peu suspense, action. Il est franchement super. Moi j'ai bien aimé. Il m'a accroché du début à la fin. Il t'a accroché. J'ai pas décroché les yeux. D'accord, très bien. Donc, il est absolument à voir. C'est à mon tour. Je vais être un peu éclectique. Donc un jeu vidéo, je dirais. Comme une maison éclectique. Alors, qu'est-ce que j'ai joué comme jeu vidéo? Oh, mais mince, Mignon, il est pas là, il m'a pas entendu. Ça. Non, mais t'aurais pu au moins préparer un peu tout, hein, tu sais, on a tous improvisé, c'était génial, toi. Alors, moi, j'ai joué à Civilization 5. Donc, c'est super bien comme jeu, roulement de tambour. c'est un peu nul, ça, c'est super bien comme jeu. Voilà. Non mais vraiment c'est plus simple que Civilization 1 ou que Civilization 4, c'est un petit peu plus pour les casuals et c'est vraiment cool quoi. Moi ça m'a pris tout mon temps, c'est un STR mais c'est beaucoup plus stratégique que Age of Empires où là t'envoies des unités au casse-pipe et ça fonctionne. Là c'est vraiment stratégie, c'est du tour par tour et tu dois contrôler ta civilisation sur des octogones. Des octogones? Oui, non, des octoroques. Non, ça c'est dans Zelda. Les octogones, en fait, t'as des cases. C'est des hexagones d'ailleurs. C'est des hexagones. C'est 6 côtés, en gros, tu mets tes unités sur le plan. Ouais, par exactement. Exemple, vous voulez voir des photos sur Steam ou autre chose, parce que si on commence à faire la description, on va être trop en retard et il va nous taper dessus, Chica. Allez, faut parler plus vite, allez plus vite, Chica. Voilà. Chica, fais nous les descriptions, vas-y, plus vite, Chica. Alors, niveau musique, moi j'ai écouté le dernier album de Digitalism. Donc Digitalism, je sais pas si vous connaissez. Bah, ça m'aurait pas étonné, tiens, qu'ils le disent. D'ailleurs, oui, ça ne m'a pas étonné. Oui, exactement. J'aurais très bien pu parler de Justice, le dernier single de Justice. Ça m'aurait pas étonné non plus. Il y a un track, et c'est Civilization. C'est la pub Adidas, et c'est totalement génial, mais la musique, le clip est totalement merdique. C'est un truc avec des taureaux, pensez pas trop. Mais je vais surtout vous parler du dernier album de Digitalisme, I Love You, Dude. Merci, mec, moi aussi je t'adore. Exactement. Et tu reprends à peu près tous les titres qui sont sortis avant, depuis ces dernières années. C'est du Daft Punk, mais version allemand, quoi. Donc il y a Blitz, c'est un super titre, ça. Il y a Two Hearts, qui est super bien aussi. Il y a Miss Showdown. Est-ce que Digitalisme a une grosse Blitz? Miss Blitz être... Merci, ça va être censuré. Oh, puis merde, j'aurais la flemme de faire un bip, ça va garder. Et de toute façon, ça ferait. Est-ce que Digitalisme a une grosse bip? Ça le fait pas non plus. Parce que ça sonne pareil. Ouais. À moins qu'il fasse un poète. Un poète. Ouais. Le nouveau dans la censure. Le mec, il dit quelque chose. Poète. Donc, c'est vraiment un super album. Je sais pas s'il est en sortie parce que moi, je l'ai eu en avant-première. Mais c'est vraiment un très très bon album que je peux tout vous conseiller. C'est du même niveau que leur premier album, Idéalisme. Pour ceux qui aiment la musique électro, qui aiment les Daft Punk, et qui aiment... T'as pas parlé de Biscuit Sec? Biscuit Sec... Comme on dit, comme toujours, la première fois c'est toujours décevant. Eh oui, exactement, mais c'est d'autres rapports. Et donc Biscuit Sec, moi j'appelle ça Biscuit Sec, ça s'appelle Youth Sec. Donc celui-là qui a fait la pub Peugeot Tonight, la musique Tonight, c'est sorti. Ça fait 2 ans que je la cherche. Oui, c'est lui la pub Peugeot. Et d'ailleurs, ça fait pas 2 ans qu'elle est sortie la pub Peugeot, donc ça, c'est totalement possible. Non, c'est une façon de parler. Oui, c'est dès que c'est sorti que j'ai cherché. Et qui a sorti un nouvel EP, moi j'appelle ça EP, On a Train. Non, c'est pas EP, c'est Short Play ou un truc comme ça, ou Episodic Play ou un truc comme ça, appelé On a Train, était très bien aussi. C'est du même style que Digitalisme et donc du même style que Daft Punk. Et sinon, pour dernier, c'est un type que je suis sur internet, et c'est le papa de la critique vidéoludique belge, il s'appelle Masque de Pusta. Et c'est. J'en parle souvent parce que c'est vraiment génial. Enfin, moi, je regarde souvent. Il a fait des parodies de... ses dernières vidéos, c'est des parodies des conférences I3. C'est comme ça que j'ai pu regarder les conférences I3 de manière parodique. Et c'est quelqu'un qui a un avis sur la critique, enfin, sur le jeu vidéo qui est très intéressant. C'est en même temps drôle. Et j'en parle parce que ça va faire bientôt 6 ans qu'il fait de la critique vidéoludique sur internet. Et c'est le papa de l'émission Push Start, qui était pas très bien faite, mais qui a ouvert la voie à beaucoup d'autres vidéotesteurs, donc si vous connaissez Hopper, Vivi300 et tout ça, c'est un petit peu, ça fait autant de temps qu'il y est que eux, et c'est pas très compréhensible. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Donc il fait pas du jeu vidéo, enfin il critique. Ça c'est le type qui est un peu bizarre là. Qui dit critique, arrêtez de critiquer. Enfin voilà. Il fait pas que du jeu vidéo, il fait aussi du cinéma, CinémaScope. Voilà. Et c'est tout. Et on peut pas trop réagir là-dessus, je veux juste vous mettre sa chaîne dans les commentaires en bas. Voilà, donc nous allons passer à la seconde partie du podcast. Je regarde l'heure pour voir que ça va faire 1h20 à peu près. Je regarde. Il est 16h42. Ouais, ça va faire 1h30, donc on va devoir se dépêcher. Donc la seconde partie du podcast qui traite du voyage dans le temps dans l'univers multimédia, vidéoludique. Dans l'univers audiovisuel. Ouais, ouais. Audiovisuel, oui, quelquefois ça peut être que audio, ça peut être que visuel. Donc on va déjà clarifier 2-3 points. Je parle bien du voyage dans le temps en tant que thème et pas en tant que moyen de production. Je parle pas d'ellipse par exemple, qui est une sorte de voyage dans le temps, ni de flashback. Ouais. Et en même temps, dans le temps pour le visionneur ou lecteur, mais pas visiteur du futur. Bah ça en fera partie. Ça, en fait, on parlera de ce qu'on voudra du moment que ça parle du voyage dans le temps. Ouais, moi, j'ai beaucoup parlé de Doctor Who avec Chika. Ouais, on va parler de Doctor Who parce que déjà la saison 6, la mi-saison 6 est finie. Je suis dégoûté. Ouais, donc ça reprend en septembre. Donc voilà, tout le monde en train de chialer. T'as moi. Vous dites quoi? On est également en pleine saison 2 de Visiteurs du Futur. On est qui également... va d'ailleurs finir. Ouais, non, pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut également parler de Chrono Trigger, tout ça. Ah ouais? Moi, Donc, le fameux Chrono Trigger, hein, le considéré comme beaucoup comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Ouais, je suis pas loin de dire ça, oui. C'est faux! Ah bon? Oh! Voilà. Amazing! Non, il est totalement amazing! Non, non, non, non, non, non, non, non, non, on dit comme ça! Amazing! Je sais pas le dire! Attends, je vais essayer de faire pareil. Attends, que je me mette en continu, tu vas voir, je vais y arriver. Paramètres, hop, et voilà, activité vocale, continue. Ouais. Amazing! Voilà, voilà! Voilà. Ça marche bien comme ça. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi ce thème est-il aimé? Parce que moi, je connais pas beaucoup de... Comment ça s'appelle déjà? D'œuvres qui parlent de voyage dans le temps qui sont pas aimées. Bah, si vous en connaissez... J'en connais pas qui ne soient pas aimés, c'est surprenant. Parce que le voyage dans le temps nous fascine à un tel point. Ah, Priam est déconnecté... Oh, il est encore bugué. Il est encore bugué, c'est génial. Donc, nous remercions la technologie Wi-Fi de merde qui nous garantit la stabilité de notre vie. Dans le futur, quand j'aurai une meilleure connexion Wi-Fi, je ferai un voyage dans le temps jusque chez lui et puis je le ramènerai à la meilleure connexion. Voilà. Donc, alors c'est vrai que tout déjà la première porte que je voulais ouvrir, c'est vrai que c'est fascinant. Et c'est ça qui ça nous tient en haleine quand... C'est pas qu'on se dit, ouais, on s'imagine le jeu, le futur ou le passé, comment les faits qui sont réellement passés dans Doctor Who par exemple, Van Gogh, ils essaient de changer le passé. Même que dans Doctor Who, ils ont carrément une armée. Quand ils parlent de la guerre du temps, il y a une armée qui s'appelle l'aurait pu être, c'est-à-dire qu'elle n'a pas existé, mais en fait si, elle existe dans le fait qu'elle n'ait pas existé et elle est présente. Elle aurait pu être. Voilà, elle aurait pu être. Oui, voilà. Donc, c'est un joli jeu de mots, effectivement. Donc, la plupart des œuvres qui parlent de voyage dans le temps parlent des problèmes que ça occasionne. Hein, donc, modification du cours du temps. Modification du cours du temps, paradoxe temporel. Et en même temps, le voyage dans le temps, tout peut être possible avec ça, mais il y a des règles très strictes. Si vous regardez Doctor Who, vous saurez bien qu'il y a des règles qui sont extrêmement strictes. Il y a aussi l'effet papillon, non, qui parle du voyage dans le temps. Mais de toute façon, tout ça, c'est d'une logique. Je veux dire, bon, je vais pas épiloguer pour pas faire un truc sur le podcast, sur le prochain podcast. Mais si vous faites une connerie dans le passé, et par exemple vous tuez votre mère sans faire exprès, bah vous n'y êtes jamais. Et du coup, vous n'êtes pas venu dans le passé pour tuer votre mère. Mais bon, ça parle, parce que on a oublié de citer la plus grande œuvre de voyage dans le temps avec Doctor Who, c'est quand même Retour à le futur. Et tu parles de ça notamment. Il a failli sortir avec sa mère quand même. Alors, il est impossible déjà. Parce que tu ne peux pas faire un retour vers le futur, puisque tu n'y es encore jamais allé. Si, tu peux mais le faire. Mais c'est pour ça qu'ils prennent ce nom. Un second épisode, il fait un retour vers le futur. Et c'est d'ailleurs la dernière phrase. Ah bah oui. Je suis du retour vers du futur. C'est retour du futur vers le futur, ça revient au même. C'est depuis le futur. C'est la connerie de cette phrase qu'on comprend à la fin du film qui fait que ce film est culte. Mais ça parle notamment, ce qui est bien de Retour à le futur justement, c'est que ça parle de manière comique du voyage dans le temps, parce que quand on lit par exemple des livres. Quand on voit la tête de Doc, déjà on peut pas se dire que ce sera triste. Hein. Quand on lit des livres de Stephen Hopkins sur le voyage dans le temps. On se fait chier, quoi. On se fait réellement chier. Alors que là, ça parle de manière drôle, intéressante, comme dans Doctor Who, d'ailleurs. Donc, tout ce qui tourne autour... enfin, toutes les séries rigolotes qui tournent autour des trucs comme ça. Il y a juste Chrono Trigger et... Et le livre qui a occasionné tous ces trucs, tout le voyage dans le temps, parce que c'est l'œuvre qui est à l'origine de toutes les œuvres du voyage dans le temps, qui s'appelle La machine explorant le temps de Herbert George Wells, qui est une œuvre très très sérieuse. Enfin, qui parle, qui est une critique de la société, tout en étant, dans le futur. C'est assez. Il faut que je lise ce truc, apparemment. Il faut le lire, ça date d'assez longtemps, mais c'est quand même hyper génial, quoi. Il parle de la guerre. Pour lire ce livre, je vous conseille de non seulement vous munir du livre, hein, c'est pas mal, mais aussi d'un bon paquet de Doliprane, 3 verres d'eau, mais déjà remplis. Ça devrait suffire, parce que le temps que vous le lisiez, ça va mettre assez de temps pour que si vous respectez la réglementation, c'est-à-dire un Doliprane ou un Effaragant toutes les 4-5 heures, ouais, le calcul est bon. Moi, je l'ai fini en 3 heures, le livre. Hein. Il dure 165 pages et je l'ai fini en 3 heures. Ouais, mais il faut faire des pauses pour les gens normaux, tu vois. Ouais, mais bon, c'est pas... quand on est inspiré dans l'histoire, on voit même pas le temps passer, quoi. C'est vrai. Au pire, vous regardez des films qui... Il y a deux films qui ont été faits sur cette œuvre. Un qui date de 65 et un autre qui date de 2002. Qui sont aussi bien, d'ailleurs. Donc, il y a deux approches du voyage dans le temps. Il y a l'approche humoristique et il y a l'approche sérieuse. Et l'œuvre qui rassemble à peu près les deux, c'est Doctor Who. D'un côté, c'est humoristique, on a des trucs drôles. C'est incontournable. Le docteur, déjà rien que son attitude, elle est très drôle. Il a un comportement unique. Même, par contre, c'est pas pour vous couper, mais le podcast sur le voyage dans le temps, c'est le prochain. Là, Non, c'est monsieur. C'est non, aujourd'hui, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là, oui. Le prochain, c'est le non, débat... Non, mais Lénure, en fait, je crois qu'il a fait un voyage dans le temps encore une fois. Ouais, mais lui, il a traversé une dimension où il y avait déjà un podcast de fait. Et je crois qu'il est en train de penser que c'est celui-là qu'il est en train de faire en ce moment même. Le débat, le prochain épisode traitera des princes contre les BN. Ah c'est oui, c'est vrai, les princes de Luc contre BN. C'est... Oui, enfin... oui. Et alors, Millenium est en train de regarder un épisode de Norman fait des vidéos, j'ai entendu la musique derrière. Non, c'était juste pour nous dire faux. Bon, oui, seulement c'est seulement pour ça. Donc, j'ai toujours quelques sons sous la main pour animer le podcast, on va dire. Mais c'est bizarre. Mais c'est bizarre, oui. Très très bizarre. Non, mais, donc tu disais, oui, l'altitude du docteur, mais ses altitudes d'ailleurs, c'est vu qu'il y a plusieurs... L'altitude, oui, il est très haut en altitude, le docteur. Oui, exactement. Oh. Il est sur le Mont Blanc, c'est ça ? Ça va être censuré, c'est une blague de merde. Si tu censures toutes les blagues de merde, tu censures le podcast. Hein. Excuse-moi, mais... Je crois qu'il va devoir censurer celle-là pour donner une meilleure image du podcast. Voilà. Pouette. Non, je sais, pour la censure, ils vont mettre autre chose qu'un poète, ils vont chercher, ils vont... Le vrai Docteur Castafol partie 2 dans 7 jours! Pardon. Je sais ce qu'il va mettre pour censurer. Et dès que... Attends, tant que je retrouve... Merde, où est-ce qu'il est passé mon mixage stéréo? Non, je continue. Oh, bon. Bah, discuter en attendant, hein. Donc, il était une fois une pomme. Non. Millenium, qu'est-ce que t'as vu, toi? Qu'est-ce que t'as joué? Qu'est-ce que t'as écouté? Tu as m'œuvre qui parle de voyage dans le temps, toi. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il mettra pour censurer. Arrête de trouver ce qu'il mettra pour autres. Censurer. Donc, Millenium, Millenium, même. J'ai joué désolé, un jeu sur DS où tu fais le fait que des paradoxes temporels, tu t'en rends vraiment extrêmement compte. Il s'appelle Time Hollow, ou en français, les caves du temps. Donc, comme j'ai dit, il est sur DS. C'est un jeu où tu joues à un jeune lycéen qui perd ses parents du jour au lendemain, sauf qu'il apprend que ses parents sont en fait morts, disparus, depuis plus de 10 ans. Oui, il a été noté 16/20 sur jeuxvideo.com. Et c'était très oui, c'est vrai. Et j'y ai joué, bon, mis à part la musique qui te fout la pression en permanence, dès que tu dois chercher des indices sur quoi que ce soit, c'est un des meilleurs exemples des paradoxes temporels. Je donne un exemple vers du début du jeu. À un moment, vous allez sauver un de vos amis qui s'est fait casser la gueule et qui est tombé dans le coma. Attendez, je mange un vous allez faire une action qui remonte super loin. Et en fait, ça va tout changer et il va se faire encore casser la gueule, mais d'une autre façon. Donc, en fait, paradoxe temporel, mais 100%. Et du coup, c'est une sorte de combat contre les paradoxes temporels, ce jeu. Et c'est assez sympathique. Je peux vous le conseiller si... Et t'as dit, il était sur quelle plateforme? DS. Oh mince, ma DS est morte, moi. Oh, pire, tu te trouves un petit simulateur. Et ça, c'est pas bien parce qu'il y a Adopi. Voilà. Adopi ne fonctionne que sur les réseaux peer-to-peer, donc dès que tu fais un DDL, Adopi est niqué. Pof, chut, c'est fait. Faut pas le dire. Ah, mais comme ça, tout le monde sur le Cosmicast saura comment télécharger illégalement sans avoir de problème. C'est-à-dire deux personnes. On a deux problèmes. Enfin, il faudra juste qu'ils savent que ça veut dire DDL. Donc là, ça cible un peu plus le truc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a deux problèmes dans le Cosmicast. Déjà, c'est le copyright, et secondement, il faut être en accord avec la loi. Et encourager le piratage, c'est un problème de loi. Donc, ne téléchargez pas. Encourager le piratage n'est pas puni par la loi. Pirater est puni par la loi, mais pas l'encourager. Non, mais ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, aller voir, je sais pas, un gameplay ou une connerie dans le genre, où vous allez voir un pote qui a joué, on sait pas comment, et il vous raconte l'histoire, où il vous prête sa DS, une connerie dans le genre, quoi. Vous faites social, vous sortez un peu... Oui, parce que Facebook, c'est pas ça le social. Social, c'est voir ses potes. C'est vrai. Je dis ça en tant que personne qui reste pratiquement toute la semaine dans sa chambre quand il ne va pas au lycée. Détrompez-vous, je suis pas gros. J'étais en train de manger un prince. Ah okay. Non, pas encore, t'as un paradoxe temporel. Hein. C'est vraiment chiant, les paradoxes temporels. Non, mais c'est hyper drôle. Ah et non, si c'est un petit Lu qui fait un paradoxe, ce sera un prince adox temporel. Une seconde piste qu'on peut imaginer pour dire pourquoi ces jeux sont tellement aimés, c'est que c'est en même temps des critiques humaines. Que ce soit dans Doctor Who ou dans le Visiteur du futur, est-ce que sauver le monde est une bonne chose? Est-ce que être aimé par des millions de personnes comme le Docteur il est? Et qu'il se fasse tuer, il est aimé par des millions de personnes, mais il est craint par des milliards de gens. Oui, mais ça provient par exemple dans l'épisode dans la saison à la fin de la saison 6. L'épisode 7 de la saison 6. Ça ouvre encore l'esprit quoi. C'est une critique humaine parce que le docteur. Mais en fait, Doctor Who, ça a changé ma vision du monde. Ça, je peux l'avouer tout de suite. Oui, directement. Ça change les visions du monde. Le visiteur du futur, c'est drôle, mais en même temps... C'est juste pour le comique. C'est pas justement juste pour le comique. Quand tu vois la saison 2 et les Lombardies, on sait pas qui est le méchant du bon, quoi. Et c'est comme dans Doctor Who, quoi. Le méchant, on dit toujours que le méchant c'est l'autre, mais est-ce que le méchant c'est pas soi? Et ça, c'est où dans Doctor Who, on le dit souvent ça. J'ai la tête qui va exploser parce que ça fait 5 minutes 33 que j'entends Wololo en boucle. Ah oui. J'ai pas stoppé la vidéo. moi je te rappelle que j'ai douté Nyan Cat pendant 2 heures. Ouais, Millenium aussi, si tu regardes son commentaire Mumble. D'ailleurs, Millenium, faudra que tu nous files ton image pour qu'on la foute dans les commentaires du podcast pour que les gens se rendent compte. Parce qu'en pour plus, que les gens sachent que je suis resté une heure sur le Nyan Cat volume à fond. Il faut qu'ils voient ton record. Mais c'est pas un record, comme un dieu, y a des gens je t'assure. Faire mieux, Oui, en laissant l'ordinateur allumé, oui, ça je sais. Non, mais en fait, je vous explique, j'étais juste en train de jouer avec Call of Duty. Elle dit, écoute, c'était sympa. Bon, je vois Call of Duty 6, donc Modern Warfare 2 et le solo, peut-être le multi. Oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pouette. Bref, on dis plus rien, là, c'est normal. Ouais, ouais. Non, non, je couperai ça. Je suis en train de manger un prince. Après, on pourra garder des morceaux que tu mettras dans un bêtisier quand on aura fait 4-5 épisodes. Mais chaque fois, le voyage dans le temps, il est utilisé partiellement pour sauver une situation in extremis. C'est utilisé chaque fois comme dernier recours pour les producteurs. Non, Mousinor n'a jamais utilisé de voyage dans le temps. Non, mais c'est quoi le rapport? Est-ce que Mosinor, c'est quelqu'un qui a tout utilisé pour fermer ses épisodes, sauf le voyage dans le temps? Ah ouais, ouais. Ah ouais? À un moment, il a même fait tout sauter du Nakatomi Plaza. Ouais, mais... la fameuse série Top Yoko. Ouais. Eh ben, ils utilisent tout le temps ça, ils utilisent un semi-voyage dans le temps dans le passé pour... Un voyage dans le temps dans le passé, ouais, un retour dans le passé. Sauf que c'est un peu con parce qu'il faut un retour dans le passé digital. Oui, mais c'est un peu compliqué. Bah en fait, t'as juste appuyé sur le bouton rembobiner, quoi. C'était une cassette et tu fais rembobiner. On va ouvrir un débat. Est-ce que rembobiner une cassette, c'est un voyage dans le temps? Et non, impossible. Parce que si tu fais ça toute la journée, tu verras ton image de ta télé qui changera à cause d'un seul truc. C'est le gars qui a inventé le soleil, parce que les reflets ne seront pas les mêmes. Ah. Si tu regardes toute la journée en rembobinant, il y a des moments où si tu laisses les volets grands ouverts, la fenêtre grande ouverte, où tu verras rien. Et la nuit, tu verras tout. Ouais. Mais y a donc, ce n'est pas un voyage dans le temps. Ouais, mais le type, y a personne, c'est pas un type qui a inventé le soleil. Les ah bon, il paraît. Non, bah, selon certaines personnes, c'est quelqu'un qui s'appellerait Dieu. Non. Moi, je crois que c'était tout le monde qui s'appelait Allah. Enfin, je sais pas. Enfin, nouveau. Quoi nouveau, à la maison? À la maison, oui. Je vais me faire tuer. Me tuez pas, s'il vous plaît. C'est Yahvé à la maison. Arrête, on va se faire tuer à cause de ça. Ouais, on va se faire tuer. Donc, après, le viol. Bon, attends, je peux éloigner facilement tous ceux qui vont nous tuer. Cochon! Après le viol des copyrights, je suis désolé. Incitation à au piratage, maintenant on a insulte raciale. Les musulmans, pas racial. Bah si. On incite juste les musulmans. Tous les arabes ne sont pas forcément musulmans. Hein. Et encore, je parle d'arabes. Et tous les musulmans français, ne sont pas forcément arabes. Ouais. Mmh. Mais de toute façon, tout le monde le sait très bien. Le paradoxe temporel, c'est vraiment casse-couille. On a mal compris, mais c'est pas grave. Ah, c'était dit, les paradoxes temporels, c'est vraiment Casburn. Ouais. Mmh. Parce que même, imaginez, vous, votre maman, elle a été tuée. Hein? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chut, imagine, tu es un enfant, tu as des trucs dans mais la oui, semaine. Je sais bien, c'est moi qui l'ai tué hier soir. D'accord. Tu veux empêcher le tueur, donc tu vas faire un retour dans le temps et tu vas tuer le tueur. Je l'ai fait volontairement. Non, parce que regarde, dans Doctor Who, pour ceux qui connaissent Doctor Who, justement, le docteur enfermait tout son peuple dans une toute la guerre du temps dans une boucle temporelle. Il pourra aller les sauver. Non, c'est même pas une boucle temporelle, c'est une boucle en dehors du temps. C'est en dehors du temps lui-même. C'est un verrou temporel. Et il pourra les sauver. Il en a peut-être les capacités, mais il le fait pas parce que ça serait égoïste pour la guerre du temps. Il verrait encore une fois son peuple se faire détruire. Et en plus, ça détruirait le reste de l'univers. Il l'a dit lui-même. Également, parce que. Pour revenir à mon exemple. Donc, vous avez votre maman qui s'est fait tuer. Vous décidez de faire un retour dans le temps. À moins que le meurtre. Oui, mais si t'empêches le tueur de tuer ta maman, et ben dans ce cas-là, tu ben, pas eu tu as besoin de les causes pour laquelle tu es venu tuer ta maman, et tu rentres donc dans un paradoxe temporel qui est égal à une division de Chuck Norris par 0 fois 24. Donc, non, c'est 42 la réponse de l'univers. Papy, rien n'a rien à voir, il n'y a pas de cercle là-dedans. Papy. Je ne connais vraiment rien. Papy. Mais c'est Yapi, parce que c'est une boucle. Mais non! Mais non, c'est pas une boucle, puisque ça s'arrête au moment où tu veux empêcher le tueur qui a tué ta maman et qui fait que tu es là. Et non, tu peux pas. Bon, bah, il y a au moins 1337 dans ce cas-là. Il y a au moins 1337. Non, je vois pas qu'est-ce qu'un lit, c'est bien faire IBB ici. Parce qu'il est partout, lit. T'as qu'à écrire ça, t'as qu'à écrire ce que tu viens de dire en lit, et comme ça, voilà, tu pourras mettre 1337 dans l'équation. Oui, donc ça annule les. Donc, paradoxe temporel, les tumeurs. C'est au cerveau. Tumeurs au cerveau. Bon, il faudrait un poète sur celle-là. Donc, maintenant d'ailleurs, ouais. je vais avoir la flemme de le faire, donc vous l'aurez dans le cul. C'est trop bien, alors, je peux dire que le podcast c'est vraiment nul, qu'il faut surtout pas dire à vos potes de pas venir, et ce sera pas menté, parce qu'il y aura pas de poète. Ça c'est de la psychologie inversée, donc ça veut dire que tu viens d'encourager les gens à aller sur le podcast, et ça c'est cool, merci. Et là, Chica, tu viens de les désencourager. Pas du tout. Pas du tout, mais prouve-le. Eh bah, tu vois, Einstein, c'est un chien. Non, pas du tout. Prouve-le. Moi, j'ai pas de preuves. Ma grand-mère, tu sais que c'est un abricot, ma grand-mère. Hein. Si Einstein, c'est un chien, c'est que ma grand-mère, on c'est un abricot. On est en ça train aussi, de... prouve-le. C'est prouvé scientifiquement. On est en train de partir en couille. J'ai pas les preuves, moi. Je l'ai vu à la télé. On est en train de partir en couille. En poète. Non, on dit pas en couille. C'est pas gentil, d'abord. Hein. Il y a des enfants qui vont être choqués en entendant ça. Même s'ils arriveront pas à tenir jusqu'à la fin, parce qu'ils nous auront déjà marre au bout de 2 minutes. Bah pourquoi, parce qu'il est déjà 17h04, hein. Ouais, mais ils en ont. On va approcher les 2 heures. Ils en ont, hein. Mes enfants, ils en ont. Des enfants. Et les enfants de tes enfants. Enfin, bref. Donc, je parle bien de. Donc, on arrête bien... de jouer aux Sims, tu te fais du mal. De chien. Ouais, ouais, donc on parle. Donc, On parlait de chien. Donc, le chien est un animal très gentil que l'on peut tresser. On l'appelle aussi plus couramment animal familier. Non mais donc tu parles bien de, tu dis ça millénion mais on peut agir de manière comment ça s'appelle déjà de manière qu'on sait pas nous qui le faisons directement mais c'est de manière indirect exactement par exemple Marty il sauve le Doc de manière indirecte en lui adressant une lettre pour qu'il soit mis lui-même en danger des Chiliens et des Libyens d'ailleurs les ouais, Libyens mais ça, il donne une lettre dans le futur le type. Non, une lettre dans le passé. J'y reviens. Ah oui, je me souviens de ce truc-là. Il y a un moment dans les autres pleureurs aussi, il y a la même chose. C'est une boucle infinie. C'est-à-dire, dans la réalité, il reçoit une lettre du gars qui n'a jamais existé, qui n'a pas envoyé la lettre dans le temps réel, et dans le futur, il va lui envoyer. Dans ce cas, ça conclut la boucle. Alors que si ta mère est morte et que tu empêches son meurtre, bah, elle va pas revivre comme ça, sinon c'est un paradoxe. Oui. Il est là, le blême. Tu as raison. Mais de toute façon, normalement, on n'est même pas censé voyager dans le passé, parce que le passé n'existe plus. Parce que peut-être que le présent existe. Oui, parce que je touche mon ordinateur, je touche mon micro pour l'instant. Prouve-le. Voilà, prouvé. Non, je l'ai prouvé. Parce que le présent, au moment où je le dis, n'existe déjà plus, puisqu'il est passé. À moins que tu dises aussi vite à la d'ailleurs, vitesse de la lumière. D'ailleurs, il y a une théorie intéressante qui dit que ce n'est. À moins que tu dises à la vitesse de la lumière, et là, le présent, c'est vraiment le présent. Impossible. Si. Parce que le moment où j'aurais dit le truc de la lumière, le temps que ton cerveau emmagasine et décrypte tout, ça sera déjà fini. Ouais, mais tu le dis dans le vent, donc tu n'as pas besoin de cerveau. Et ça sert à rien le vent, c'est pas mon pote, je vous connais pas. Bah si, ça va. Si tu le dis dans le vent, bah ça va revenir en arrière, donc du coup ça va faire un retour arrière dans le temps. Donc un retour arrière dans le temps, oui. Donc également, on va passer. Donc je disais, il y avait une théorie qui était intéressante à propos du temps, qui était que le temps soit une constante plutôt qu'une variable qui se modifie en permanence, et que ce soit nous qui nous déplacions dans le temps plutôt que le temps qui se déplace parallèlement à nous. J'avais vu ça quelque part, j'exclus où. Mais en même temps, je me suis dit, si tout arrête de bouger, enfin, le mouvement, c'est peut-être la nature du temps, parce que si tout s'arrête de bouger, absolument tout, la Terre ne tourne plus, les planètes s'arrêtent de tourner, le soleil arrête de... Enfin, les flammes arrêtent de... Tout se fige. Bah, le temps. On peut dire qu'il passe, mais en même temps, il passe pas, puisque rien ne se passe. Tu viens d'embrouiller les 3/4 des gens qui regardent le podcast, merci Rudo. Pourtant, moi, je me comprends très bien. Oui, mais les autres, ils ne comprennent pas. Donc, une autre chose intéressante dans le voyage dans le temps, c'est les visions du futur. Comment les producteurs, ils imaginent le futur. Donc, il y a plusieurs visions du futur. Il y a le futur apocalyptique qu'on retrouve souvent dans Chrono Trigger. Japon. Japon, ouais, en gros, c'est ça. Chrono Trigger, dans Chrono Trigger, c'est le peuple qui se fait détruire par une bête bizarre qui est enfuie dans le sol. Et on Lavos, mais Lavos est dans tous les temps à la fois, lui. Lavos, dans... Lui, il est extemporel. Dans Retour vers le futur, c'est un passé plutôt... c'est un futur plutôt futuriste. Un futur futuriste, c'est pas... Il a le côté futuriste, pas dévasté, mais il a l'air un peu pauvre aussi pour certains des personnages. Mais je veux dire, futur futuriste. Dans lequel les contrastes entre les riches et les pauvres sont plus marqués. Le futur, par exemple, nous on est dans les années 70, ils imaginaient les années 2000 comme un futur, comme nous on imagine dans les années futures. Je sais pas si vous comprenez bien, mais la notion de futur et de futuriste, c'est pas la même. Futuriste, on imagine que c'est des trucs électroniques de géniaux, des hologrammes, des vaisseaux spatiaux, un petit peu l'univers de la science-fiction. Alors que le futur, ça peut être totalement différent, ça peut être encore la campagne, des choses comme ça. Donc c'est un futur futuriste, c'est pas du tout un pléonasme. Vent. Blanc. Noir. Noir. Et c'est pas du tout un pléonasme. Mais bon, en tout cas, la fin du podcast commence à s'allonger un peu. Il est déjà 17h10, donc on a fait à peu près 2 heures d'enregistrement. Ouais, on est à 1h55. Donc on peut dire que on n'a pas forcément répondu à la question, parce que c'est une question qu'on peut pas répondre. Parce que chacun a le droit d'aimer ou de pas aimer ce genre-là. Mais c'est un genre très intéressant pour les producteurs, etc., etc. Voilà, merci d'avoir écouté le premier podcast, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, donc, comme on l'a dit, le prochain podcast est encore incertain. Donc, j'étais en compagnie aujourd'hui de Millenium. Donc, tu peux dire au revoir, Millenium. Non, jamais, ciao. De Rudobicou. Et moi. De Priam, qui a dit deux mots. Donc il est plus là, il a déconnecté. Et de moi-même, je suis Tamaron, votre serviteur et notre fidèle adoré, blablabla. Je vous dis au revoir, et puis à dans un mois, je pense, pour le prochain... Non, dans un mois, je serai pas là, donc ça sera dans deux mois. Bah moi, pendant ta période des grandes vacances, je serai pas disponible du tout, donc... Bah moi non plus, d'ailleurs. Ou si quelqu'un veut enregistrer un podcast ou quoi, ce sera pas possible. Voilà, donc ça va pas être possible. Ça, c'est pas possible. Donc merci d'avoir... désolé pour la fin qui est un petit peu... voilà, parce que c'est compliqué de concluer. Mais voilà, on l'a réussi à le faire. De concluer. De concluer. Oui, de conclure. Concluant. Et merci d'avoir... Conclusionné. C'est toi le con, là. Merci d'avoir écouté le premier Cosmicast, et en espérant que vous prendrez autant de plaisir, ou que vous avez pris du plaisir juste avant, à écouter le deuxième. Voilà, merci, au revoir. Ciao! Ciao.